Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le cinquième jour de la première lune de Sanguine de 1131. La veille fut longue, à interroger une à une toutes les personnes de la famille d'Alatilio. La nuit qui a suivi fut courte, à peine le temps de rentrer au QG qui vous restait que quelques heures à dormir. C'est à l'aube que vous remarquez que pour chacun d'entre vous, la nuit fut compliquée. Il semblerait que l'énorme chaleur, votre dernière affaire et le peu d'heures, de sommeil que vous avez eu à disposition et joué dans votre humeur matinale. Après un remontant difficilement avalé, qu'il vous fallait déjà braver le vent pour atteindre la machine. Et vous y êtes, enfin. En arrivant, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le luxe de cette maison a quelque chose de réconfortant. Elle est là depuis si longtemps que rien semble pouvoir la bouleverser. Cette maison a connu bien des générations. Elle a connu les fondations de Venise. Elle a connu la guerre d'Acrimonie. Et même des meurtres familiaux, visiblement. Après vous être installé, après avoir vérifié que le corps fut bien emporté hier pour être amené au ministère, vous allez devoir reprendre du service. Alors, qui a tué Monsieur Dell'Attilio? Telle est la question à laquelle vous devez répondre. Et pour cela, vous devez répondre à ma question. Que comptez-vous faire? C'est à vous, je vous écoute. Très bien. Bien, vu que personne ne se bouscule, je vais parler moi de mon petit plan dont j'ai eu l'idée lorsque Esther a découvert son le couteau, donc enfin le poignard. J'imagine qu'elle nous en a parlé assez rapidement pendant qu'on faisait. Non. D'accord. C'est pas de plan du coup. D'accord. Donc voilà, entre deux interrogatoires, on en a parlé. Et je suis parti dans l'idée donc de. Cornilover toute l'assemblée en changeant d'identité et en venant en tant que spécialiste d'une nouvelle science pour trouver des indices et quoi que ce soit, et on va mettre en scène devant tout le monde notre découverte du couteau qu'on aura remis à l'endroit dans la collection, et on va dire c'est celui-là alors qu'il n'y a rien qui l'indique, et on va essayer de jouer là-dessus sur le fait que je sois un spécialiste qui peut voir des choses que les gens ne voient pas dans ce couteau-là. Je suis beaucoup trop fan de cette idée. Ensuite, il suffit de voir lequel stresse le plus. C'est ça. On l'accuse, on le met face à son crime et... Et quand il tentera de s'enfuir, on pourra le capturer. À titre personnel, je suis très sceptique, mais bon, si ça peut t'amuser. En vrai, on sait que les gens ont peur de la science de base dans notre culture, donc ça peut être un bon moyen justement d'aborder le truc. C'est que y a presque un aspect ésotérique autour de ça, presque un côté magie noire interdit. Donc, si en plus on est né métropolite, ils remettront pas notre parole en question. Alors, ouais, il y a moyen de faire vraiment courir de mon pression. Cornilov, j'ai qu'une question. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, mais moi je vois pas d'objection à tenter un coup de bluff, quoi. Parfait, du coup je retourne à ma question. Pour être sûr de bien comprendre ton plan et pas faire de fausses notes, il s'agit, vu que tu comptes te raser et apparaître ainsi, c'est te faire passer pour quelqu'un de totalement différent de l'enquêteur qu'ils ont vu la veille. Ou C'est en mode l'enquêteur et a aussi ce pouvoir-là. C'est pour être sûr. C'est quelqu'un d'absolument nouveau. Parce okay. que, bon, là, j'ai pas pu faire exactement tout, mais je me rase pas seulement la barbe et la moustache. Je me rase aussi entièrement la boule à zéro. Plus de sourcils non plus. Et avec une tenue complètement différente, du coup. Il faudrait un truc, genre un monocle pour changer le regard. Ouais, un petit monocle. Et je pourrais fabriquer un faux appareil, genre de détection énergie. On pourrait partir là-dessus, non? Ouais. Genre ça détecte les énergies sur les objets ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Et je partais aussi dans l'idée de recycler les lentilles qu'on a sûrement gardées de l'ancien déguisement d'Esther pour lui changer la couleur des yeux. Voilà. Et à partir de maintenant, aujourd'hui, je suis Georges Vladimir Méliès. Ok. Est-ce que, c'est pour savoir, mais est-ce que ça fait partie de ce qu'on avait déjà parlé? Donc du coup, je note cette identité afin de ne pas l'oublier. Oui, ou est-ce que c'est ça en fait partie. Ok. Merci. Tu peux me redonner son nom, s'il te plaît, histoire que je note ce qu'il faut? Georges Vladimir Méliès. Parfait, merci. C'est génial, merci beaucoup. Eh bien, quand je disais que la nuit était courte, eh bien, elle fut vraiment courte, parce que Esther, en plus, a dû passer cette nuit à fabriquer 2-3 accessoires pour qu'on l'ouvre. En vrai, vu la complexité... Je fabrique ce truc, mais qui fait de la lumière et éventuellement un peu de fumée, histoire que c'est l'air crédible. Ah, et bah tu sais quoi, vu que tu veux rajouter des petits artefacts, enfin des artefacts, oui, enfin des petits... j'ai pas le temps que je vais utiliser, enfin bref, des petits surplus pour impressionner. Tu vas me faire un petit test, s'il te plaît, de... j'allais dire astronomie. Oh là là, excusez-moi, je pas tout à fait en forme. D'anthropomécanologie. Un test d'astronomie si tu veux, mais. Ouais, est-ce que je rajoute du coup 2 pour énergie mécanique? Non, pas du tout. Non, mécanique, c'est la mécanique, quoi. C'est la force qui faisait le. Ok. La question, c'est. Oui, bon. Ok. Tac, tac, tac, bimaboum. Ok. Donc tu as fait 9. Non, en vrai, ça passe. En vrai, ça passe. T'as pas fait une énorme marge, mais ça passe. C'est très cool. C'est sûr, j'ai fait 1 et 2 sur mes dés, donc c'était pas. Ouais, c'est vraiment la compétence qui a tout fait, quoi. Heureusement, je suis bon de base, ouais, c'est ça. Ok, je note. Eh bien, voilà, tu as pu le faire. Alors, c'est pas parfait, notamment voilà, la fumée. Il y a vraiment une toute petite dose, donc Kornilov ou Georges, je ne sais pas comment je dois t'appeler maintenant. Si tu veux l'utiliser vraiment, ça sera vraiment, tu vois, au moment parfait. Tu pourras pas l'utiliser 2 fois, la fumée, elle durera pas très longtemps. Ouais, réfléchis bien comment tu peux l'utiliser. Alors que la lumière, ça va. La lumière, bon, tu maîtrises un peu, tu sais utiliser un peu ce type d'énergie, donc ça n'a pas une très grande autonomie, mais ça passe. Du moins pour ce que vous voulez faire. En tout cas, voilà, Esther, tu auras passé un bon moment, tu auras dormi un peu moins que les autres, mais tu as pu faire ce qu'il fallait pour que Kornilov soit crédible dans son rôle. D'ailleurs, pareil, en parlant de nuit courte, hein, Kornilov va passer du coup une nuit courte à se préparer physiquement. Donc quoi qu'il en soit, vraiment, c'est un peu très difficile pour vous ce matin, mais vous y arrivez. Et je vais en profiter pour poser la question, parce que je n'ai pas eu le temps à la dernière session, et bon, je me rattrape maintenant. Je vais demander directement à Hugo, du coup, comment il se sent... j'accepte de manière un peu plus globale, parce que tu n'as pas eu le temps de t'exprimer du coup la dernière fois, donc je me demandais voilà, comment tu te sens, quelles sont tes émotions, comment es-tu vis-à-vis de cette affaire. Enfin voilà, je te laisse prendre l'axe qui t'intéresse le plus par rapport à cette question et me dire un peu de tes pensées personnelles. Eh ben Hugo, tout d'abord il est content, enfin il a été content de se remettre un peu en selle dans quelque chose de quand même un peu différent et un peu moins, comment dire, pas traumatisant, mais stressant et angoissant que l'affaire Il Prodissimento et tout ce qui en suivit. Donc, il est plutôt... il en est très content, mais après... Bon, là, avec toutes ces propositions de déguisement et tout, il reste assez sceptique. Et... Ça fait un peu bizarre quand même pour lui de voir qu'il y a aussi quand même des crimes, même jusqu'à la haute aristocratie vénitienne qui, comment dire, dirige notre. En tout cas, qui a dirigé notre belle et magnifique ville. Ce qui est un peu gênant, quoi. Ils doivent faire un peu exemple, enfin, ils doivent être des exemples, et pourtant, c'est des gens qui, comme tout le monde, comme ces canailles du bas peuple, assassine, viole, tue, pille et blablabla et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un peu étrange quand même de cette enquête. C'est un très bon Voilà pourquoi tes point. soupçons, c'est que c'est le majordome. Parce que c'est forcément lui qui a tué le maître. Ça peut pas être un. Voilà, c'est dit. En vrai, c'est un très bon point que tu sais, parce que c'est vrai que c'est très en rapport avec ton idéal, hein, ton rêve de vivre dans la haute société. Et c'est vrai que tu en vois une facette à laquelle tu t'y attendais pas, et c'est, tu l'as parfaitement dit. Franchement, je te. Félicite pour ça. Non, franchement, c'est très bien vu vis-à-vis de ton personnage. Très bon replay. Bravo. Du coup, est-ce que vous mettez immédiatement en exécution le plan de Corvus? C'est-à-dire que là, je considère que quand vous arrivez à 3 avec Georges en place, déjà habillé. Et Kornilov en moins, C'est cela. c'est un peu Et Kornilov en moins. c'est ma question, ou est-ce que vous voulez préparer la chose autrement? ça change énormément un homme de d'avoir déjà la barbe en moins, alors les cheveux et les sourcils et une tenue complètement différente, ça passe en vrai, parce qu'ils m'ont vu Toute qu'une seule journée dans façon, ma vie. tu mets quel genre de tenue du coup? Oh, une tenue très bourgeoise, mais voilà, qui se présente bien quand même. Toute façon. C'est ce que... Tiens, d'ailleurs, on va faire le premier jet avant que tu les rencontres. C'est ce moment-là où, franchement, les gens devraient avoir les webcams. Hein. Franchement, Oui, ils je ratent marche dans la des rue. choses. Bonjour, Ah, Cornelio. Mais, oh mon Dieu, c'est si incroyable. Surtout, voilà, tu vas faire un premier jet de représentation pour voir quelle sera la Ouais. qualité totale de tes équipements, s'il te plaît. Ok, Heureusement je que tu as regarde eu un ça. mentor, d'ailleurs, je place un message, heureusement que tu as eu un mentor mécanique de jeu que je vous conseille de vous très intéresser durant ce deuxième geste. Le MJ aurait glissé ça par hasard. Ok. Dis-moi tout, du coup. Un petit jet de Alors. représentation. 13. Ah oui, d'accord. Eh ben C'est bien. bien ça. Attends, juste une question parce que j'avoue que je ne me Oui. souviens plus trop du système, du coup, vu qu'on a repris juste à la session d'avant. C'est Y a pas de bien, je souci. jette 2 dés Oui. et au résultat, j'ajoute mes points en représentation. Exactement. Alors, c'est bien C'est-à-dire ça. que tu as fait 10 sur ton dé et tu as 3 en représentation, ça fait 13. C'est ça. Parfait. Eh bien, je note que tu as réussi à une représentation. Et du coup, tu as, du coup, pour te dire, un très joli équipement. Pour le dire, si les autres t'auraient pas vu te préparer, et enfin même vous qui l'avez vu, enfin c'est quand vous le regardez, vous êtes vraiment à vous demander, mais c'est vraiment Kornilov là que, enfin, là, vous savez que c'est lui, mais vous savez, c'est comme quand vous voyez un vieil ami que vous avez pas vu et qu'il a changé entre-temps, il est chelon, il est passé totalement rasé. Ouais, un changement physique, et là pour le coup, c'est vrai qu'en une nuit, en quelques heures, Kornilov, vous avez un peu du mal à le reconnaître. Du coup, je reviens à ma question que j'avais posée. Est-ce que du coup, c'est vous arrivez, Kornilov, tu commences ton numéro, ou est-ce que en mode vous venez et puis vous êtes en mode on a amené ce spécialiste, etc. Hein, On le pour présente, ça a on le l'air de présente à dire la pour famille lui. et on le présente. Ok. Voilà. Oui. Eh bien, je vous laisse bah, le présenter, tout simplement. Je vous écoute. Eh bien, N'y a pas de souci. salutations. Nous allons du coup reprendre là où nous étions arrêtés. Mais avant cela, nous tenons à vous présenter un éminent chercheur scientifique, enfin scientifique, pas vraiment, mais Parce qu'on a pas, non, mais on n'a pas le droit de dire scientifique. Enfin, c'est la science, c'est pas un scientiste. Voilà. Si, mais tu peux être scientifique tant que tu respectes les normes. Bon, ça existe. Hein. Pour moi, c'est... donc scientifique. Tu peux. Il y a pas de souci. Donc Monsieur Georges Vladimir Méliès, qui va nous assister avec ses recherches pour avancer dans notre enquête. Voilà, je vous présente aussi la famille en question. Donc, je vous laisse du coup vous expliquer. D'abord, je fais le tour des présentations. Je présente du coup chaque membre de la famille à notre cher Georges et inversement, comme si c'était la première fois qu'il l'ait rencontré. Parfait. Mmh. Très bien. Eh bien, une fois ça fait, je vais prendre la parole. Je vais dire. Enchanté. Pour me présenter de manière un peu plus précise, je suis un spécialiste inspecteur en études des états fixes. En réalité, vous voyez, le scientisme, comme vous le savez, décrit, bien entendu, l'orgueil de l'homme qui avait voulu changer les choses et qui a malheureusement amené une période difficile à l'humanité, et c'est ce qu'on appelle la perturbation des états fixes. En effet, j'ai en ma possession cette machine qui est donc un outil d'analyse des états fixes et qui permet de savoir les perturbations qui ont eu lieu récemment, dont des actes violents ou des actes contre nature. Voilà. Donc, est-ce qu'à cet instant-là, il y en a un qui a l'air d'être plus ou moins mal à l'aise pour comparer aux autres dans la foule ou pas ? Tu regardes. Il n'y a personne mal à l'aise. Je pense que ce que tu ressens, c'est surtout de la surprise. Il ne s'attendait sûrement pas à ça. Ouais. Et en fait, tu sens en fait cet état où. Enfin, tu arrives très bien à t'imaginer à leur place où tu te dis juste. Là, ils sont en train de se dire soit c'est du bluff. Enfin voilà, tu vois, ils attendent quelque chose de concret parce que là, c'est juste. Oui. Ben, c'est très étonnant. C'est surréaliste. Mais, c'est surréaliste, mais il y a quand même ce côté où ça peut être probable, effectivement, parce que vous êtes le ministère de la propagande et si vous. Enfin, vous avez sûrement accès à des états politiques, scientifiques, etc., qui sont sûrement plus avancés que la moyenne, mais ils sont quand même très étonnés, quoi. Et ils sont juste un peu divisagés. Et pour l'instant, ouais, il n'y a personne qui est vraiment stressé. C'est juste... quoi ? Qui ? Quoi ? Bien entendu, mais... je suis là pour servir d'associé et d'aide aux métropolites ici présents que vous connaissez sûrement déjà. Et donc là, je me tourne vers mes collègues et je dire donc... où est-ce qu'on commence ? Eh bien, par là, j'imagine qu'on va essayer de lui faire visiter 2-3 endroits fake pour pas tout de suite qu'il tombe sur le bon, sinon ce serait un peu cramé. Mm-hmm. Donc on lui fait faire un petit tour de la maison, peut-être commencer par le lieu du crime. Ouais, la chambre. Exactement. Ouais. Et après le faire voguer dans la maison avec sa machine, comme si... J'imagine un peu comme un détecteur de métaux, tu sais, tweet, comme si... Tweet. C'est vraiment si à un moment on pense qu'un type qui est coupable, faut vraiment qu'il l'approche de lui, qu'il active le truc pour faire de la fumée. On en a pareil, il en peut plus. Ouais. Je considère que ça va être les lumières qui vont bouger d'intensité, parce que t'as plus parlé de lumière pendant la fabrication que du son, Lester. Mais du coup, ça va être quand tu... Ça fera un jeu de lumière que tu pourras, toi en fait, en le tenant, tu peux le commander. Et du coup, bah, tu pourras le faire vaciller selon quand tu trouves. Ouais. On se croirait dans le Ghostbuster avec le truc avec Toplasme qui tourne, que ça pue. Ah, mais non, mais là, vous êtes. vous êtes dans du Inspecteur Gadget. Hein. J'aime pas trop faire des références en jeu de rôle, mais là, vous êtes dans du Inspecteur Gadget où Cornium va sortir des trucs incroyables. J'adore ça. En vrai, c'est une très bonne idée. Et je trouve l'association avec Esther qui peut construire, c'est absolument génial. Quoi qu'il en soit. Vous allez du coup amener vers la chambre et dis-moi du coup Georges, pour t'appeler par ton prénom actuel, comment tu gères cette... Est-ce que tu passes sur rien ? Est-ce que tu passes sur un ou deux points d'intérêt que vous avez trouvé la dernière fois ? Dis-moi comment tu te comportes dans la chambre. Dans la chambre, Même tout du long, je dirais, je suis surtout mes collègues métropolites et tout simplement, je fais bouger un peu mon appareil dans certaines directions. Parfois, je fais quelques petits commentaires du genre oh, je vois, intéressant, oui. Tu sais, en tournant des fausses manivelles ou je sais pas quoi, en touchant un peu les vis du truc, en faisant genre que j'appuie sur des. Je sais pas. Il va casser des pièces. ça va exploser dans les mains. Intéressant. Voilà, mais sinon, je fais pas de grand théâtre ou quoi que ce soit dans n'importe quelle pièce, okay, pour l'instant. Très bien. Pendant que Georges. Oui, il y a quelqu'un qui a voulu parler ou. Non, d'accord, c'est moi qui ai entendu des échos étranges dans mon casque. C'est un grand ancien, c'est rien. Pendant que Georges, du coup, est en train de. Voilà, passer d'un coin à l'autre, à faire des intéressants, à prendre note intérieurement pour lui-même, je vais demander, du coup, à Victor de nous dire un peu ce qu'il pense dans son fort intérieur. Comment tu te sens un peu vis-à-vis de cette enquête, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, vis-à-vis de toi? Alors, dans un premier temps, je suis bluffé. Par la transformation de Korneliov, et je me dis que si je ne le connaissais pas, j'aurais pu me faire berner tout autant que les autres. Je suis assez amusé par la situation. Curieux de savoir si cette stratégie va fonctionner ou pas. Par contre, dans un premier temps, je voudrais donner un peu l'impression au niveau de ma façon d'agir que je suis moi-même assez sceptique sur ce personnage. Alors, en tant que métropolite, moi aussi, comme peut-être la famille l'est, assez sceptique sur ces techniques. Et au fur et à mesure que ça avancera dans son diagnostic, je ferai du genre commencer à me dire ah, mais c'est incroyable son truc. Enfin, genre, tournez, voilà. Donc là, vraiment, là, en ce moment, je suis plutôt dans une attitude sceptique, mais c'est totalement joué. Ok, mais tu verras quand même que de temps en temps, Erwana te lancera des regards en mode, mais vous êtes sûr de ce que vous êtes. Ah, mais je suis là, je fais. Tu verras que hausser les épaules, hein, dépit, en disant on teste. En tout cas, le petit manège de Korneliov a l'air de bien fonctionner. Et vous l'emmenez où après la chambre où a eu lieu le crime? Est-ce que vous l'emmenez dans un endroit particulier avant d'emmener au 10 couloirs ou est-ce que vous l'emmenez maintenant au... Je pense qu'on peut, mener, on peut le faire passer dans plusieurs pièces, 2-3 pièces avant d'y aller, histoire de pas tout de suite foncer dans un endroit où il peut dire « Ah !» Voilà, c'est vraiment genre... Donc, prenez vraiment votre temps, donc vous allez passer par plusieurs chambres, même la salle à manger, voilà, vous allez vraiment passer un bon temps. Et je vais redemander un petit jet de représentation pour voir, là, non pas le costume, mais ton jeu d'acteur, ce pourquoi tu es formé, Korneliov, voir comment tu maîtrises un peu sur la longueur. Ça fait 13, encore une fois. Oh mon dieu, il se passe quelque chose avec la représentation de Korneliov. Eh bien, tu prends tout le monde dans ton jeu. Vraiment, tout le monde est attaché aux moindres paroles que tu as prononcées. Et au moment où tu veux qu'ils soient particulièrement sceptiques, tu arrives à les rendre sceptiques. Quand tu veux qu'ils commencent à te croire, ils commencent à te croire. C'est vraiment toi qui maîtrise toute la situation. Voilà, je peux pas dire ça mieux que ça. C'était vraiment en pleine maîtrise. Et à tout moment, tu peux leur faire ressentir exactement ce que tu veux qu'ils ressentent. Ce qui fait que tu peux même, si tu veux, commencer à glisser des indices, que tu es en train de trouver des trucs pour commencer à stresser ceux qui seraient apparemment touchés par le meurtre. Voilà, tu es vraiment en pleine maîtrise, hein, de la situation. C'en est vraiment impressionnant, même pour tes collègues, hein, pour le coup, je tiens à le dire. Kornilov, je veux dire, depuis tant que vous le connaissez, bon, voilà, c'est quelqu'un d'un peu réservé, très sympathique en votre égard, mais c'est pas non plus la personne la plus sociale, il suffit de voir sa relation avec Sophia. Voilà, c'était cordial sans plus. Ou avec son mari, voilà. Enfin, voilà, vous avez eu l'exemple de la relation Kornilov et son mari. Voilà, enfin, vous savez que Kornilov, voilà, c'est pas le, l'être humain le plus. Ah, j'ai oublié le terme. L'inverse de misanthrope, c'est je ne sais plus. Philanthrope, merci. Waouh. voilà, c'est pas non plus le personnage le plus philanthrope que vous connaissez. Et enfin voilà, je veux dire, vous l'avez vu aussi une fois se faire passer pour quelqu'un, mais c'était dans une usine. Il s'est fait juste passer pour un ouvrier pour faire parler Rolando, qui avait l'air de parler assez facilement de base. Et en fait, vous êtes demandé, est-ce que c'est Rolando qui parle si facilement que ça? Est-ce que c'est pas Kornilov qui semblerait savoir vraiment influencer les gens? Quoi qu'il en soit, peu importe si, c'est, si tout ceci n'était que manipulation, qui sait, peut-être qu'il vous ment à vous aussi. Il n'a peut-être jamais été métropolite. Quoi qu'il en soit, en dehors de cette petite blague, il est absolument parfait. Et c'est même pour Hugo, j'ai envie de dire, même si t'es très sceptique de si ça va marcher, tu reconnais au moins, c'est vrai, un certain talent dans ce qu'il fait. Et tu te dis que peut-être que métropolite n'était pas la meilleure carrière qu'il aurait pu prendre, parce qu'il pourrait avoir du succès ailleurs. Mais bon, s'il veut s'amuser comme ça à son boulot, il fait comme il faut. Enfin, je résume, après, effectivement, c'est à toi de me dire exactement comment... le prend ton personnage, mais c'est une piste que je te donne. Quoi qu'il en soit, vous avancez, vous faites quelques pièces, et au bout d'un moment, bah, vient le moment d'arriver dans le... Oula, la répétition, pardon, excusez-moi. Je suis un peu fatigué ce soir, je trouve pas les mots que je veux. Je reprends. Au bout d'un moment, vous arrivez donc dans le fameux couloir. Dans ce couloir, il y a donc une armoirie sur laquelle... va être rangé plusieurs dagues, et notamment celle qu'Esther avait trouvée à l'envers. Qu'on a remis à l'endroit, j'imagine, pour être sûr. C'est bien ce qu'on a mis dans le plan. Pour, hein. Pour que ça fasse, c'est moi qui sais que cette arme a quelque chose et pas l'inverse. Et donc, Kornilov, tu rentres dans ce couloir, il y a toute la famille qui te suit, hein, du frère Alessa Sandro au majordome. Tous te suivent, tes collègues. Et je t'écoute me dire un peu comment tu vas présenter les choses. Eh bien, ce que je fais, c'est que j'ai fait en sorte de chronométrer un peu ma prestation pour commencer à parler précisément de ce que sont les états fixes et ainsi de suite avant d'entrer dans le couloir. Et donc, je leur dis, voilà, les états fixes, donc, c'est l'ordre naturel des choses, c'est la manière dont les choses sont censées fonctionner de manière organique, mécanique et ainsi de suite. Et que quand tous ces états fixes sont brisés, donc c'est les perturbations dont j'ai parlé, ça laisse des traces qui sont invisibles à l'œil humain, mais qui, en grande quantité, peuvent créer des choses comme les crimes, par exemple, c'est arrivé il y a très longtemps. Et mais du coup, ça fait qu'avec cette machine-là, j'ai la capacité de détecter des traces de perturbation, et au moment où j'arrive du coup pas loin du tout du stand à poignard et ainsi de suite, je vais m'arrêter soudainement et je vais regarder mon appareil. On peut vraiment pas se relancer cette lampe. Je vais regarder mon appareil et je vais dire et je vais essayer de la pointer un peu dans certaines directions autour du couloir, comme si j'allais pas directement pour le truc à poignard, tu vois. Je regarde les planches, la tapisserie ou je sais pas quoi. D'autres meubles qu'il y aurait à côté, par exemple. J'imagine qu'il y a des trucs à vase ou des genres de choses. Et je vais me tourner direct ensuite vers le truc à poignard, et je vais passer sur tous les poignards les uns après les autres. Et au moment où j'arrive sur le fameux poignard, c'est là où je pense que je vais enclencher un truc qui attire bien l'attention. Je sais pas si c'est des lumières ou la fumée ou quoi que ce soit. En tout cas, quelque chose qui indique que la machine est surchargée. Moi, je joue la surprise. Très bien. Moi, je regarde les réactions des gens. La machine surcharge. Alors, est-ce que du coup, tu libères la fumée ou... Ou tu fais juste jouer des lumières? Je vais libérer la fumée parce que je pense pas que je pourrais l'utiliser plus tard de toute manière. Ok. Tu libères la fumée. Ce qui fait que voilà, tu indiques, et au moment où tu t'arrêtes sur le poignard, l'appareil explose, entre guillemets, dans tes mains. La fumée se libère et dans le couloir, un commun se lâche. Les gens étaient vraiment dans ce que tu leur racontais et sont. Mais comme si en fait t'étais vraiment en train de leur jouer une pièce de théâtre et qu'il y a un événement dramatique qui était en train d'arriver. Comme si c'était. Limite en oublié qu'ils étaient les premiers concernés. Les gens s'attardent un peu et tu laisses sûrement ce petit silence pour laisser les choses se faire. Esther, tu as le temps de. Du coup, de prendre un peu de recul sur la situation. Et les gens de la famille ont plusieurs réactions, mais. Il y a une surprise hein, vraiment qui s'est jouée, mais tu te demandes si c'est pas un peu influencé par le côté dramatique de la situation. Mais il y a deux, trois choses qui sonnent faux. Bon, premièrement, je vais faire dans cet ordre-là. Je rangerai les informations, excusez-moi. Il y a le majordome, hein, Cyriac Tacheli, hein, pour rappel de son nom. Qui lui, tu le sens, a pas un visage de surprise. C'est plus. Il y a un petit air inquiet dans cette surprise, mais c'est très léger, tu vois. C'est quelque chose d'assez. Ok. De très imperceptible, tu vois. Il est pas non plus en train de le montrer ouvertement. T'es pas en train de te dire que cette personne est clairement inquiète. Mais il a pas une surprise qui a l'air très sincère, du moins. Et en parlant de surprise pas sincère, il y a deux autres personnes qui ont une surprise qui n'est pas très sincère. Il y a notamment, bon, notre ami Alessa Sandro qui tire une gueule pas possible. Qui veut dire, même pas particulièrement surpris, il semble juste être en colère. Et Erwana, tu sens aussi une surprise un peu trop feinte, un peu trop surjouée. Alors peut-être qu'elle est très émotive dans sa façon de montrer. Tu vois, c'est, soit elle est beaucoup trop émotive quand elle montre ses émotions. Soit elle surjoue comme quelqu'un qui voudrait surjouer la surprise sans que ce soit quelque chose de naturel. Ok. C'est ce que tu dis. Au besoin, je peux te rappeler les noms et les gens concernés par rapport à leur réaction. Le silence s'installe un peu. Est-ce que, Georges, tu reprends la parole après ça? Ou tu les Oui, du coup, je prends la parole parce que sinon, il faut commencer à se poser des questions. Et je vais tout simplement dire là, en tenant toujours ma machine qui est à présent techniquement hors d'état de fonctionner, hein, dire par les crimes, par les crimes, par les crimes. Et je vais me tourner vers tout le monde et je vais dire à qui appartient ces poignards. Le fils, hein, du coup, Luigi prend la parole. Ce sont des dagues de la famille, elles appartiennent à la famille depuis des générations. Pas de propriétaire particulier, si ce n'est nous. Je vois. Alors je vais traduire ce que ma machine vient de faire à vous. Il semblerait que ma machine ait malheureusement été surchargée par des traces de perturbations, en effet, des actes très violents, très soudains, donc absolument pas naturels, ont eu lieu avec cet objet, en particulier celui-ci, que je pointe donc du doigt. C'est en faisant genre comme si j'essayais, tu sais, je pointe du doigt et je recule comme si je voulais pas le toucher, tu vois. Il semblerait que nous ayons, si ce n'est pas l'arme du crime, en tout cas, un objet très lié à des événements très soudains, très récemment. Je me tourne vers la métropolite parce que là, du coup, on est dans la criminalité maintenant. Donc je me tourne vers eux et je ferai... si vous voulez observer l'objet et trouver quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, je vais le prendre en main. Je vais le... Okay. Tu... Observer. Je la prends en main et... Oui. Quand tu l'observes... Tu la retires de son fourreau, je suppose, pour voir la lame, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Elle est très propre. Très, très, très propre. Ouais, genre bien nettoyée, quoi. bien nettoyé. Effectivement, alors, tu pourrais juste dire que peut-être que le majordome fait très bien son boulot, mais si jamais ces armes font effectivement partie juste d'un patrimoine, quand bien même, je rappelle que la maison sert de musée, Lupo en faisait une espèce de musée-église scientiste, quand bien même ça faisait partie de ce qui était visité, ça reste quand même très très très propre pour des objets censés être enfermés derrière une glace. Ce que je vais faire, je vais continuer un petit peu à la regarder, et ensuite je vais attendre à Esther, qui est probablement juste à côté de moi. Oui, et ouais. Au moment où je fais ça, je vais tirer une autre arme du présentoir. Et justement, regarder son état de propreté dans la foulée. Ok. Bah, c'est un bon réflexe de vérifier. Et tu remarques que l'autre lame est propre. Donc effectivement, apparemment, Monsieur Tacelli prend le temps de polir, de nettoyer les armes. Mais tu sens que voilà, si ça a été nettoyé... C'est pas une propreté aussi nette et précise, tu vois, il y a quand même un peu de pellicule de poussière qui commence à apparaître. Enfin, tu sens, c'est nettoyé, mais c'est pas tenu, c'est pas aussi propre. Clean, c'est pas au prix parfait que celle-là. D'accord. Voilà, tu sens que l'autre est beaucoup plus bien nettoyé. D'accord. Pour l'instant, moi, je continue à faire mon truc, j'observe, mais je laisse les autres dire ce qu'ils font. Moi, j'observe, vu que moi, je suis pas un métropolite. Mais je parle Esther et Hugo, vous faites quoi? De mon côté, je vais observer aussi. Et je vais surtout essayer de voir si à un moment, je me retrouve suffisamment proche de Georges pour pouvoir, chuchoter un truc. Genre, je me mets dos aux gens, je chuchote un truc sans que les autres entendent. Pour lui dire que faudra sans doute faire pression sur la majordome. Et sur... non, comment elle s'appelle? Erwana et Alessandro. Ouais, c'est ça. Alessandro, Eloana et le majordome. Et toi, Hugo, tu fais quoi? Quoi qu'il en soit, on va quand même continuer en espérant qu'Hugo nous rejoigne assez rapidement. Eh bien, quoi qu'il en soit, vous faites juste ce que vous venez de dire. Et est-ce que, bah, du coup, de toute façon, ça tourne beaucoup autour de toi, mais mon cher Georges, est-ce que tu joues maintenant la pression ou est-ce que tu attends un autre moment pour l'appliquer? Eh bien... Alors je vais pas directement mettre la pression sur quelqu'un là directement parce que je suis pas un inspecteur. Mais j'essaye de tourner un peu des manivelles et tout ça sur ma machine comme si j'essayais de la réparer. En la pointant toujours vers le poignard qui est dans les mains d'Aster si je me souviens bien. Et je vais prendre un air un peu interloqué. Et je vais lever les yeux directement vers Esther. Je vais dire excusez-moi, donc on m'a parlé d'un meurtre en effet, mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Cependant, j'ai l'impression que ma machine m'indique que les perturbations, ce n'est pas une grande perturbation qui a eu lieu, mais je dirais une série de perturbations, je dirais 4 minimum, quelque chose du genre. 4 ou 5. Vous avez des informations sur ce meurtre? À quoi ressemblait le corps? D'accord, déjà, est-ce que j'essaie de jauger aussi un petit peu les réactions des gens? Tu vois que les gens commencent à comprendre qu'il y a enfin, que ça se précise beaucoup. Hein. Pour quelque chose de très aléatoire, ça semble quand même être précis. Il n'a pas... Disons, vous voyez, ça se voit, il n'a pas indiqué chaque coin de pièce en disant « là, il y a quelque chose... » Le fait que ça soit aussi précis et aussi ciblé sur une dague, bon après, on peut toujours mettre en cause parce que bah, une dague, ça reste... on sait qu'il a été poignardé, quoi, donc... donc il avait forcément une arme blanche, mais cette personne n'est pas censée le savoir, donc... Tu vois qu'il y a... La surprise laisse peu à peu un peu de... Je dirais pas de l'effroi, parce que c'est très fort comme sentiment, mais un peu cette idée-là de... Ah oui, d'accord, c'est sérieux. Voilà, c'est le côté surprise, un peu jeu du truc est en train de clairement retomber. Et à ta question, du coup, Georges, bah, personne prendra la parole. On te laissera un petit. Si du coup, un petit blanc. Je veux juste voir la réaction en fait avant à la question, mais sinon je l'explique. Voilà le coup du donc de l'homme poignardé, etc. Donc oui, autre, oui. Le fait qu'il était dans sa chambre, qu'il allait se coucher en premier, il me semble, et qu'on l'a retrouvé poignardé le lendemain matin. Okay. Du coup, moi, j'en profite pour poser une question à notre éminent scientifique. Serait-il possible, avec les techniques que vous maîtrisez, de savoir si du sang a été répandu sur une arme? Oh, eh bien, ça demanderait une analyse peut-être un peu plus en détail qu'avec la machine que j'ai ici, mais qui est sûr en tout cas, c'est que si ce poignard-là n'est pas l'arme du crime, il a été utilisé dans un autre crime alors. En tout cas, je pense que. Et récemment. Je pense que. Je me tourne vers la famille. Je pense que nous allons devoir confisquer cette arme pour de plus amples. Enfin. Études, enfin pour notre cher Georges Vladimir Méliès qui va, je pense, analyser cette arme. Et mais je pense que il n'y a aucune objection à cela. Question que je pose à tout le monde, lui. Notamment en direction d'Alessandro. Personne ne réagit particulièrement. Il y a un accord commun, même Alessandro. Nous pouvons peut-être mener de rapides interrogatoires pour voir si la machine de notre cher Georges réagit particulièrement à certains de propos. Peut-être détecter le mensonge et le vice dans la voix. Ne serait-ce que partiellement. Eh bien, et là du coup je vais accompagner ma phrase d'un mouvement, tu sais, où je fais un mouvement, tu sais, comme ça directement dans la foule, tu sais, comme si je réfléchissais tout en bougeant, tu sais, je leur fais pas directement sous le nez. Tu sais, je fais genre, tu sais, en touchant un peu ma machine, en tournant en direction d'eux, je veux dire. Tu as dit quoi? Pendant que tu fais ça, je regarde les têtes des gens, leur réaction, voilà, par rapport à ton mouvement de. Voilà. Et je vais dire, eh bien, il faudrait peut-être que je le re-règle, mais ça peut se faire dans peu de temps. Voilà, tout en tournant, juste pour voir s'il y en a un qui recule, tu sais, ou un truc comme ça. Voilà. Je fais, oh. Eh bien, très bien, messieurs, dames, nous vous demanderons donc de ne pas bouger d'ici en attendant que la machine soit prête. Et le ou la personne qui sera... comment dire ensuite, nous vous interrogerons et nous saurons quelle est la personne qui parmi vous nous ment. Rassurez-vous donc que vous serez bientôt sortis de ce calvaire. En tout cas, si vous êtes innocent. Est-ce que en regardant justement dans cette, est-ce qu'il y a eu des réactions ou pas? Moi, j'allais dire. Pour celui qui observe. Oui, vas-y. J'allais demander, est-ce que vu qu'Hugo a pas l'air là, on peut partir du principe qu'en attendant, on lui a dit genre d'attendre un peu planqué dehors, genre ou alors qu'on a au moins posté un métropolite comme ça, s'il y a quelqu'un qui s'enfuit, qui puisse se faire choper. Eh bien, du coup, pour celui qui observe. L'ambiance a complètement changé, du tout, tout, tout. Comme je le disais déjà avant, il y a eu une ambiance, mais le côté jeu a totalement disparu, et maintenant c'est une inquiétude qui apparaît sur quasiment tous les visages. Une inquiétude plutôt masquée, hein, pas ouvertement montrée, mais les gens ne sont pas sereins face à ce qui vient d'être fait, et à chaque action, c'est-à-dire Georges qui tourne, qui passe devant chacun... Ça fait réagir, ça surprend, ça. Et la dernière phrase de Esther qui vient bien insister sur le fait que bah pff, c'est bon, vous serez vite libéré de ce poids, à moins que vous soyez coupable. Vous voyez que ça a un effet plus plombant qu'autre chose. et les gens ont repris leur sérieux, vraiment, de la veille, hein, quoi, la première fois vous étiez venu et que c'était vraiment quelque chose de dramatique. Georges n'a plus rien d'un jeu, ils ont compris que, voilà, il va résoudre l'affaire et il va mettre à grande lumière la personne qui a un peu déshonoré la famille, un peu. Un petit euphémisme. Voilà, la personne qui a déshonoré la famille. Oui. Je vais surgir en disant, sachez également que si plusieurs personnes parmi vous venaient à être impliquées dans ce meurtre, la première qui parlerait aurait bien évidemment un traitement de faveur de forte envergure de la part du ministère de la Propagande. Sur ce, nous allons vous accompagner jusqu'à vos chambres. Et nous vous demandons de rester isolés les uns des autres jusqu'à nouvel ordre. Nous allons passer vous voir avec notre cher collègue Georges ici présent. Encore une fois, ne sortez pas de vos chambres, ne quittez pas le bâtiment. Tout cela sera bientôt réglé. D'ici quelques heures, nous serons rentrés pour le dîner. Et, Bien, et là-dessus, j'exécute un petit peu tout ce que j'ai dit. L'idée étant de les isoler chacun, oui, les uns dans des chambres différentes, etc. On les raccompagne pour éviter qu'ils puissent communiquer d'ici là. Il y a deux, trois réactions, notamment... L'un d'entre eux, Alan, qui lâche pas vivement que ce soit terminé, qu'on soit de nouveau tranquille. Et tu vois que... comment ça s'appelle j'avais autre chose à dire. J'avais ça et... Oui, une question, pardon, excuse-moi. C'était une question, c'est la même question que la dernière fois, mais est-ce que Eléa, la fille d'Arwana, vous la mettez encore seule ou vous la laissez avec ça? Ouais, quelqu'un d'autre, mais c'est la question. Elle est seule dans le salon, à la limite. Pas que si elle a une chambre, okay. Elle sera peut-être dans sa chambre. Ouais, elle peut aller dans sa chambre pour jouer, quoi. De toute façon, on est d'accord, ils ont tous une chambre ici. Oui, c'est ça, ils ont tous une chambre. Il y a moins une pièce. Il y a certains qui font ils font chambre commune, hein, par exemple Luigi Luigi et Alan, hein, puisqu'ils ils sont mariés, hein, ils ont bien le droit de vivre ensemble. Mais vous avez assez de salles dans cette énorme maison pour les séparer, c'est pas un problème. Soit, vous okay. Les isolez. Et pour donner à peu près, vous venez de passer la matinée à faire ce petit jeu pour le mener à bien. Vous allez donc pouvoir profiter de la pause du midi. Le temps que tout le monde se nourrisse. Alors, on va passer le côté technique, mais on va dire que on va faire en sorte que chacun puisse prendre une réserve pour manger dans sa chambre seule. Et vous allez pouvoir, du coup, le temps du repas, échanger un peu sur cette matinée et sur ce que vous comptez faire cet après-midi. Donc là, on est d'accord. Vous pouvez vous servir parce que ils sont très riches. D'accord, on est d'accord que là, pour l'instant, on va manger, mais on les a pas interrogés pour l'instant. Ou on a déjà commencé. C'est ça. Là, pour l'instant, ils sont seuls, chacun dans d'accord. Leur. D'accord. Moi, j'étais plutôt chaud. Non, c'est ça. Je vous le dis maintenant, mais. Parce que. Bah, il faut qu'on se mette d'accord sur comment on les interroge. J'allais vous proposer justement. De commencer par les moins suspects pour faire mariner ceux que... Oui. Justement. Je suis d'accord, il faudra s'en prendre au plus. Je me permets juste dire, en fait... C'est une bonne cible aussi. Vas-y. Je tenais juste à dire que, justement, cette conversation, c'est le but de le faire pendant le repas. Enfin, c'est juste pour dire que vos personnages se sont mis d'accord sur... Oui, voilà, en gros, ce qu'on est en train de faire là, c'est quand on mange. C'est ça. Ouais, puis ça les fait mariner, ça cogite tout le monde. Voilà, ça permet aussi de les faire transpirer un petit peu, quoi. Donc, donc pour ça, ce serait bien justement de garder les plus suspects à la fin pour qu'ils aient vraiment le temps de cogiter à la situation et commencer par ceux qu'on pense qu'ils ont peut-être le moins d'intérêt ou qu'ils n'ont pas forcément. Ils sont pas forcément. Selon nous, impliqués dans ce qui se passe. Ouais. Ouais. D'accord. On commence par la petite. Ça. Bon alors, est-ce que c'est toi qui as tué le vieux? Oui, c'est moi. Il était nul. Je l'aime pas. Non, ça c'est un autre scénario dans un autre univers où c'est l'enfant. J'aimerais juste rajouter quelque chose, pas pour l'interrogatoire, mais j'aimerais juste demander à Esther de peut-être toucher un peu à ma machine, pas un truc ou modifier, mais juste, je vais lui sortir ma pelote de laine, parce que j'ai toujours une pelote de laine dans ma poche. Toujours. Et toujours, et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est marqué dans son inventaire. Ouais. Je me rappelle. Et je vais te demander du coup d'utiliser, enfin d'intégrer une ficelle à l'intérieur de la machine et à l'extérieur pour qu'on puisse du coup leur mettre la ficelle autour des poignets pour que ça soit comme ça et on dit que c'est pour mieux détecter et comme ça ça les met mentalement aussi dans parfait. L'idée qu'ils vont se faire choper dans le. Ils sont déjà capturés, je suis parfaitement d'accord. Je m'éclipse un moment dans un endroit un peu tranquille et je bricole ça rapidement à l'abri des regards indiscrets. Rapidement, alors que vous finissez tout ça, vos préparations, vous entendez un bruit résonner dans juste à côté de vous, en fait, puisque vous êtes pas loin de la réception. C'est le heurtoir de la porte qui s'abat. 4 coups francs. Je vais y aller ouvrir. Que si Esther, on va dire, est en train de bricoler le truc, je vais partir dans l'idée de le faire. Donc, je vais à la porte et j'ouvre. Okay. Et c'est. Bonjour. Vous ouvrez. Enfin, tu ouvres. Et c'est. Suspense. Un homme masqué. Pas du tout. C'est. Dimento. Le fait qu'on est. Un homme, un métropolite. Je crois qu'il tapait. C'est un métropolite accompagné d'un petit vieux qui a une tenue, ma foi, assez spéciale, une tenue un peu sale, un peu bleu de travail, mais pas un bleu de travail littéralement. Mais c'est dans le même genre de style de tenue, mais un peu huppé comme une tenue. Le métropolite prend la parole. Ah, très bien. Il faudrait qu'on parle rapidement à votre groupe. Nous avons les résultats de l'autopsie. Ah, ben venez, rentrez donc. Que très bien. Je les emmène dans le salon. Les deux personnes du coup rentrent dans le salon. Ils vous saluent assez rapidement. Regarde un peu étrangement Kornilov. Hein, qui... Non, moi je m'approche pas en réalité, justement. Je m'approche pas parce que je suis pas censé être concerné. Ou ça vite bonjour Kornilov. Il joue jusqu'au bout son personnage. Exactement. Et bah, le métropolite présente le petit vieux et dit Vois ça. Oui, bien sûr. Voici monsieur Lenz. C'est notre scientiste qui était sur le coup de votre opération. Je vais le laisser pas. Le petit homme, hein, pour le présenter, le petit vieux, c'est vraiment un peu cliché avec les cheveux ébouriffés. Et surtout, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a des monocles, et pour le coup, qui sont modifiés pour permettre plusieurs verres qui lui permettent de tout simplement augmenter un peu le niveau de. Zoom. De netteté qu'il peut avoir, d'approche voilà, par rapport aux éléments, de zoom, mais zoom, c'est pas un mot très joli, je cherchais à le dire autrement. Ouais. Mais c'est l'idée. Correction. Et loop. Oui, c'est ça de correction. Donc voilà, ça lui permet de passer de l'un à l'autre pour notamment lorsqu'il touche à des organes un peu plus précis. Vous savez que ça existe. Et le CIE, bien, par où commencer? Alors j'ai analysé le corps et la première chose hein, qui nous vient, c'est effectivement la blessure qu'il a subie. Je pense que là, je ne surprendrai personne parmi vous. Mais la raison qui fait que nous avons accouru jusqu'à vous une fois l'autopsie terminée est tout autre. Voyez-vous, nous avons analysé les organes et nous avons là de bien mauvaises nouvelles. Nous pensons qu'il s'agit d'un empoisonnement. De toute vue, certains organes ont été touchés, notamment le cœur. Qui comporte quelques caractéristiques que je ne prendrai pas le temps de vous expliquer bien en détail, mais beaucoup trop fatigué par rapport à son âge déjà très avancé, et surtout tout le système digestif, pouvons dire, est totalement détruit de l'intérieur. pour faire court. Mm-hmm. Donc soit on l'a empoisonné, on l'aurait poignardé derrière symboliquement, soit deux personnes ont tenté de le tuer la même nuit. Ce qui expliquerait pourquoi plusieurs personnes avaient peur au même moment. Ou alors, je sais pas, il y a une tentative de camoufler le véritable meurtre. Ouais. Tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, oui, c'est possible, c'est envisageable. Après, l'empoisonnement pourrait être aussi techniquement être un suicide. Mais il n'y avait pas forcément de raison là derrière. On l'aurait tué deux fois. Ouais, c'est bien étonnant. L'homme aurait été assassiné deux fois. Au moins, sans doute au moins par deux personnes différentes. À moins, comme je le dis, que le coup de couteau derrière ait une portée symbolique. Peut-être que nous pourrions utiliser cet élément à notre avantage. En interrogeant les suspects, en disant que la machine aura détecté au niveau de l'un des verres chose supplémentaire. Évidemment, j'en parle pas, Baron, ces trucs-là. Tu vois Georges comme ça. Je suis pas là. C'est plutôt troublant, il est vrai. Tuer deux fois un homme. Pourquoi ce coup de couteau alors que il aurait été peut-être probablement mort avant, d'où peut-être sa position. Ouais, conteuse, j'aimerais utiliser un des petits points de retour en arrière que tu nous as distribué en début de partie pour voir si j'avais demandé. Donc je remonte ma mémoire, je me rappelle avoir demandé à des suspects. Si jamais, du coup, la victime avait fait des, si Lupo avait en gros fait une annonce ou avait l'air d'avoir discuté de certaines choses, par exemple un changement de testament, des choses comme ça, peu de temps avant sa mort, parce que si ça se trouve, le même élément a poussé plusieurs personnes le même soir à l'éliminer, pour la même raison. Sans s'être accordé là-dessus, bon, et ce qui fait que l'un des assassins. Il y a plusieurs choses. Tandis que l'autre. Effectivement, plusieurs choses. La première, ça vous en avez déjà eu vent, donc je te le remets directement. C'est que peu de temps avant sa mort, il avait refusé à Elea, la fille d'Arwana, le nom de famille d'El Atillo, considérant que elle n'était pas digne. En termes de choix de division, ce genre de choses, en est ressorti une autre information, c'est que. Luigi et Alan ne s'entendaient pas spécialement avec Lupo parce que si Lupo vit de manière sédentaire, c'est-à-dire être installé dans cette maison et continuer à faire vivre le nom de famille, Luigi et Alan en fait voulaient vivre une vie de bohème, tout simplement, et c'est quelque chose qui se sait dans la famille et qui, on le sait, ont des grands rêves de voyage et qui sont coincés ici, entre guillemets. Et récemment, voilà, il y avait eu quelques disputes qui en étaient sorties et c'est une information que tu as réussi à avoir au fur et à mesure de la conversation. Et la mort de Lupo va aller de réaliser, de concrétiser ça. Bah, la mort de Lupo fait qu'il y a un changement d'hierarchie. Et alors, c'est une excellente question. c'est une excellente question. Et si tu veux une réponse franche, je te demanderai d'utiliser un autre point d'analepse. Je vais le faire. Ok. Parce que je considère que ça, du coup, tu as réussi à avoir l'information en fouillant, en posant les bonnes questions, etc. Mais en fait, il y avait quelque chose qui s'en était dégagé, c'est que si Aessa Sandro prenait le pouvoir, hein, comme elle était censée être, non. Je veux dire, Aessa Sandro est clairement un peu réac, hein, c'est ce que vous en avez sorti de ces conversations. Et il est clairement en mode, il faut remettre la famille d'Attilio dans le grand pouvoir de Venise. Mais Vous vous souvenez aussi, et ça vous avez déjà eu la conversation, Kerwana parlait que son grand-père, du coup le père d'Attilio, voulait revenir à un système matriarcal. Et qu'il avait demandé de faire en sorte que, normalement, on y revienne grâce à la naissance d'Arwana, parce que son père n'avait pas eu de fille, tout simplement. Parce qu'il n'y a que, du coup, Lupo et Alessa Sanro. C'est fait que si cette volonté est respectée, si Arwana passait au règne de la famille, peut-être beaucoup plus possible, hein, alors on ne te l'a pas dit comme ça directement, mais c'est ce que tu as compris, hein, c'est ce qu'on te faisait comprendre, qui puisse vivre effectivement une vie de même. Alors ça serait un pari risqué, effectivement, motiver un meurtre pour ça, ça paraît être risqué. Enfin, je le trouve, hein, quand tu fais la balance. Mais, voilà les informations que tu as. Est-ce qu'on leur ferait pas un petit dilemme du prisonnier? On va voir Alessandro en lui disant qu'Arwana a parlé, on va voir Arwana en disant qu'Alessandro a parlé. Il y a moyen qu'ils soient complices. Il y a peut-être un moyen de les cornilover comme ça. Ça expliquerait pas pourquoi il y a eu la double manière de tuer, mais... Si vraiment on part du point de vue basique, même si c'est pas forcément vrai, que les trois personnes qui jouaient clairement à la surprise étaient les... sont impliquées là-dedans, c'est pas sûr, il y a d'autres raisons derrière. Moi, je verrais bien, par exemple, le majordome comme complice. Il a peut-être vu quelque chose et a décidé de défendre les personnes incriminées. Peut-être pas qu'il a tué directement, peut-être, hein, qui sait. Mais c'est facile de se procurer du poison dans les crimes. Alors facile, ça dépend de ton niveau de vie. Hein. Mais disons que déjà il y a plein de choses. Hein, la faune et la flore étant totalement détruites, ce qui reste est particulièrement dangereux. C'est ce que, ouais. Ou alors est des nuisibles. Mais oui, du coup, à vrai dire, si tu as soit le talent de développer ce qu'il faut pour savoir faire des poisons, soit beaucoup d'argent, oui, c'est très facile. C'est après, très facile. Pour un pauvre... Ouais, c'est très facile. Parce que si t'as les moyens, soit si t'as appris à ce qui peut être dangereux, etc. pour l'homme, oui. Sinon, si t'as l'argent, oui. Après, effectivement, tu vois, on serait au milieu d'une usine, ça serait beaucoup plus difficile. Mais ouais. Là, on est face à des gens qui... Est-ce qu'on demande aux types qui sont venus nous voir, je leur demande, est-ce qu'on sait quel type de poison c'est? Tout à fait. Je ne peux pas le citer particulièrement, mais en fait, ce qui nous marque, c'est que c'est un poison particulièrement redoutable au sens où il est très difficile à analyser à la base, puisque non, c'est un poison qui se qui se fait absorber. Oh, vous savez, je suis vieux, je commence à avoir du mal avec l'addiction. Non, merci pas de beaucoup, soucis. Mon jeune âme. Le voilà, ça s'absorbe sur du très long terme en fait pour être mortel. Le seul défaut de ce poison qui est assez peu connu, parce que vous savez, l'autopsie n'est pas chose commune. Hein, vous avez la chance. C'est un peu macabre, excusez-moi. Mais d'avoir affaire avec la famille Attilio qui compte beaucoup pour la ville de Venise, donc vous avez eu autorisation, mais chose que les gens ne savent pas, c'est que ça laisse, par contre, vu que c'est du long terme, des dégâts désastreux au niveau de tout ce qui est système digestif. Et c'est ça qui nous a fait nous poser beaucoup de questions sur la possibilité d'empoisonnement et ce qui nous a fait valider la présence de ce poison. Dans un premier temps, quelqu'un qui aurait essayé de l'assassiner sur long terme, il se fait poignarder le soir même. À ce moment-là, évidemment, je pars du principe que, quitte à faire une petite aparté, à demander aux autres d'attendre, j'en parle seulement avec les enquêteurs. Plus le temps passe, plus je pense que les deux tentatives d'assassinat ne sont pas liées. Oui, donc en gros, là, il est en train de nous dire qu'on l'a tué quelqu'un à petit feu. On l'a tué à petit feu, quoi. On l'a tué à petit feu et que. Ouais, c'est ça. Voilà. Sauf que si tu utilises un poison indétectable. On peut complètement retirer la piste de « je vais lui donner un coup de couteau une fois qu'il est mort symboliquement ». Ça aurait aucun sens d'utiliser un poison pas détectable, enfin, difficilement détectable, pour aller ensuite donner un coup de couteau. Après, je suis en train de me poser la question. Ouais. En faisant le parallèle un peu avec ce qui avait été dit quand on a parlé des ancêtres d'Alessa Sandro, c'est que son grand-père père était mort. Il avait des problèmes de santé, genre un truc bizarre. Enfin, il avait pas l'air. Oui, oui, oui. Mort naturelle, mais mort de ouais, voilà. Santé. Donc, ce qui aurait pu, on va dire, s'il n'avait pas eu le coup de couteau, arriver à Lupo, hein, clairement, s'il serait mort. Voilà. Donc, est-ce que. Il n'y a pas une lignée d'assassins dans la famille qui on peut partir sur Alessandro qui semblait jouer la surprise tout à l'heure. En plus, en poison, je vois bien ça comme ça fait une bonne arme de vieux, je trouve. Enfin, je comprends. Ouais, ouais, comme surtout, si c'était. Oui. C'est vrai que je suis pas là normalement, donc je peux pas dire. Mais Alors, comme disait Esther, en gros, quand vous parlez, elle dit aux autres d'attendre, okay. Vous faites un récap et après vous attendez. Donc, je piaise, mais on part du principe que nos personnages se déplacent. Oui. Et donc, je disais, et surtout, Alessandro, ouais. Alessandro est la seule personne actuellement en vie qui était plus ou moins vivant à cette période-là aussi où cet autre s'est fait empoisonner. C'est le seul qui aurait le. Enfin, se serait fait empoisonner. Ouais. Le grand-père. Donc c'est la seule personne qui est encore en consumité avec ça, qui pourrait être au courant de comment ça s'est fait et vouloir le refaire. Donc voilà. On commence à avoir un gros soupçon sur lui, en effet, ouais. Et après, on quitte du père. Parce qu'il nous parle du grand-père, mais il nous a dit que son père était mort, mais on sait pas vraiment comment non plus. Donc il est mort de vieillesse, mais... au final, la vieillesse... Je vais retourner voir les gars. Est-ce que, excusez-moi, vous êtes bien gentils de nous attendre comme ça. Est-ce que vous savez environ en combien de temps ça prendrait? C'est vraiment sur le long, long terme, en mode on parle de plusieurs mois ou on parle de plusieurs années? Pas années, plusieurs mois plutôt. Ok, elle a quel âge la petite? Oh, la petite, elle a. Attends, je vais pas te dire de bêtises. Excuse-moi, je m'attendais pas. Une question comme ça sur un personnage. Un tout petit peu plus, je crois, 8 ou 9, normalement. Okay. Je regarde. Après, c'est ça, 9 ans. Après, la question serait plus de se poser ça fait combien de temps qu'il a refusé de donner nom à la fille? Ah oui. Il y a peut-être. Alors, ça c'est une affaire récente. On peut compter ça en peut-être une lune, deux maximum. C'est très récent comme affaire. Le sujet est en conversation depuis longtemps, ça par contre, hein, ça fait des teintes et des teintes que ça en parle, mais il a pris sa décision que, récemment, oui, mais... dans les dernières semaines, une lune maximum. Ouais, mais dans le sens où... Le frère fait partie du côté où ils veulent, pro-matriarche, enfin, on se comprend, je... Mais je veux dire, quand il a pris... personne, hein, en pro-matriarche. Quand il a pris sa décision... Quand il a pris sa décision... Oui, vas-y. Il était déjà... un peu contre ou c'était où il était indécis. Alors c'est ça le truc, je dis ça en parle depuis des tas. Honnêtement, ça c'est le genre d'information que je te laisse contre un point d'analyse. Ah bah vas-y, je la prends, hein. Parce que ouais, t'inquiète, t'aurais pu poser la question sans savoir que ça aurait autant d'importance plus tard. Je vous ai dit, ça c'est mini anachronisme, ce que j'autorise, parce que ça bah peut faire sens. Donc tu peux pas dire accession directement. Est-ce que vous avez utilisé du poison? Voilà, la question, est-ce que vous auriez utilisé du poison, n'a aucun sens, mais voilà, ça t'aurais pu avoir l'information. Ouais. Et du coup, il était pas contre. Il était neutre, comme en fait veut la tradition, c'est-à-dire que. Les premières années, en fait, on n'attribue pas le nom de famille dans la famille d'Alatilio. Ça a été le cas pour tout le monde. Surtout qu'au départ, en fait, il avait juste dit que voilà, il faisait attendre juste un peu plus parce que voilà, comme il y avait l'histoire avec Arthur, que ça se passait mal, il voulait être sûr que la fille soit bien la fille de sa mère et pas de son père. Et donc, il a dit que ça dépendrait comment la petite évoluerait. Et ce qu'on t'a dit, c'est qu'en vrai, bah, en fait, Lupo s'entendait plutôt bien en fait avec Elia. Il s'en occupait bien. Enfin voilà, tu vois, vraiment le grand-père affectueux. Mais malgré tout, à la fin, ce qu'en est ressorti, c'est ce refus. Mais en fait, il n'était pas vraiment contre. Il était vraiment neutre en fait dans cette position-là. Et vraiment, jusqu'au temps qu'il prenne sa décision, Erwana était quasiment persuadé que ça finirait par y aller, quoi. Ouais, donc du coup, c'est compliqué d'aller sur ce terrain-là pour se dire qu'il l'aurait empoisonné à cause de ça, puisqu'au final, il est jusqu'au dernier, jusqu'à ce que ça se décide, il n'avait pas donné d'avis tranché, quoi. Ok. Mais après voilà, moi franchement ça me taquine un peu le fait que les dirigeants en gros ont l'air de disparaître bizarre, enfin au final maintenant de façon suspecte vu qu'on sait qu'il a été empoisonné. Ça peut être une tradition familiale. C'est comme ça qu'on passe le flambeau dans la famille. Ah bah non, si non, c'est comme ça alors. Au revoir. La famille pour le frère au niveau de l'empoisonneur. Mm-hmm. Puisque on est d'accord, MJ, je me suis pas trompé. Le frère lui était bien pour le fait que Erwana prenne la position du truc, non? Non. Le frère, bah, alors, okay. Plutôt pour que ce soit lui qui prenne le pouvoir. D'accord, j'ai quand même enlevé cette info. J'ai entendu dire que lui aussi était pro matriarche. Donc Alessandro, lui, il veut prendre, il veut diriger la famille et il veut pas entendre parler de Erwana, de sa fille qui deviendrait. Il veut surtout. C'est ça. Parce que quand on lui a posé la question, il s'était même énervé en disant que de toute façon personne de cette génération méritait. méritait vraiment d'avoir le nom de Latilio. Pas de point ni rien, parce que c'est ce qui avait été dit à la session dernière. Il s'était énervé en disant ça, en disant voilà, franchement, c'est tous des larves, entre guillemets, et que voilà, c'est pour lui, en fait, il faut donner un bon gros coup dans la fourmilière pour relancer la famille de Latilio et lui redonner du prestige. C'était ce qui a été sorti de sa conversation. Alors, du coup, ça peut, du coup, être tout à fait. Dans le sens où il y a deux meurtriers, mais qui ne savaient, enfin, ni l'un ni l'autre ne savaient qu'ils voulaient tuer la victime, et que, tradition familiale, Alessandro l'empoisonnait à petit feu, et Erwana aurait pu décider de tuer son père. De façon radicale avec le couteau. L'empoisonnement, en effet, sans doute, il serait pas mort ce soir-là de ça, mais il serait sans doute mort dans les mois qui viennent, ou semaines peut-être même. On est d'accord, la cause de la mort, a priori, ils ont dit qu'il avait été empoisonné, mais la cause de la mort, en soi, ça a plus l'air d'être le couteau, ou alors il est mort de deux trucs en même temps, puis de poil le même soir. Alors, c'est une excellente question. Je vais leur demander. Et justement, il dit que. Eh bien, si tu le demandes, il fait. Eh bien, c'est une excellente question. Pour ça, on a besoin d'un peu plus d'informations sur. En termes d'organes, disons que s'il n'était pas mort ce soir-là, il serait mort le lendemain, deux jours plus tard. On est vraiment au point de rupture. Ce qui fait que. Pour ça, on a besoin de savoir si le coup de couteau a été porté dans des conditions normales ou non. Je m'explique, vous n'êtes pas sans savoir que un corps saigne. Cependant, un corps qui est mort, le cœur, ne bat plus. Et quand il ne bat plus, le sang n'est pas aussi abondant lorsqu'il y a une ouverture, parce que il ne circule plus. Parce que c'est le cœur qui. Je ne sais pas si vous êtes vraiment au courant de tout ça, parce que c'est vrai que c'est des recherches assez récentes autorisées par le scientisme. Mais c'est vraiment le cœur qui permet au sang de circuler. Du coup, si jamais le coup de poignard aurait laissé une trace abondante de sang, eh bien, on pourrait en conclure que c'est le poignard qui l'a tué, et le poison était du coup prêt à marcher mais n'a pas effectué. Si au contraire, il n'y a que très peu de sang sur le lieu du crime, c'est que, ou sur l'arme, je ne sais pas, les éléments que vous avez, c'est que, au contraire, il était mort au moment où le couteau était parti. Maintenant que vous le dites, il est vrai que lors de notre inspection du lieu du crime, il n'y avait pas autant de sang que ça au niveau de la victime. il y avait du sang, mais pas autant que on aurait pu s'imaginer. Il s'est pas vidé de tout son sang, enfin, de souvenirs. je regardais Esther, non ? Question à la conteuse, je m'en rappelle plus trop. C'est effectivement un bon souvenir du joueur Gossed. Ok. Il a été poignardé dans le dos ou de face ? Dans le dos. C'est dans le dos ? Parce que j'étais en train de me dire, il se serait pas poignardé lui-même pour apprécier ses souffrances, mais s'il s'est fait poignarder dans le dos, c'est pas lui. C'était le dos, je crois, hein, il me semble, de souvenir. Oui, c'est dans le dos, et il était allongé sur le ventre. Ouais, il était allongé sur le ventre. Pas, tu te poignardes pas toi-même dans le dos pour abréger tes souffrances. Ah, il le casse dans le lit. Je me rappelle une super. Enfin, non, je fais une petite aparté, mais il y avait une super enquête de détective Conan avec ça. Ouais. Et après, et bien sûr, après, détective Conan, c'est une super source. Hein. Il va nettoyer. Le fait pour que son crime ait l'air d'être intentionnel pour accuser d'autres gens. Et en fait, c'était un suicide, c'était génial. Genre, il y avait un bail avec un énorme glaçon, il avait mis le chauffage à fond et tout, il avait mis le couteau dedans. Enfin, c'est génial. Si je me trompe pas, alors désolé pour cet aparté, mais c'est pour la culture des viewers. Je me semble que c'est le tome 2 en plus. C'est au début, parce que je l'ai relu en plus récemment. Donc, c'est tome 2 ou 3, c'est assez rapide. Ça doit être un des tout premiers. Aparté terminé. Non, pour après, la culture de nos si... viewers, voilà. Allez, dire c'est... ça. C'est donc de souvenir, du coup, ce que je dis au légiste. Mm-hmm. Effectivement, maintenant que vous le dites, il est vrai qu'il n'y avait pas autant de sang que ça sur le lieu du crime. Donc, si on en croit vos dires, il serait peut-être mort avant d'avoir été poignardé. Ce qui voudrait dire que le meurtrier... Si, comme vous le dites, si votre observation est bonne, oui, c'est ce qu'on peut en conclure. La présence de sang nous permet de savoir... Si il s'agit d'un meurtre, enfin si le poignard a été porté post-mortem ou pas. Je crois qu'on demande aux gens s'ils le trouvaient souffrant ou pas. Parce que logiquement, s'il est mourant, il ne doit pas être super frais. Genre un ouh. Ok. Bah, du coup, on aurait deux meurtriers. Donc, un qui l'est un peu moins qu'un autre, puisque du coup, il aurait tué un homme mort. Est-ce vraiment peine réduite. Vraiment un meurtre. Non, mais en vrai, il y a peut-être vraiment moyen de faire un coup de pression là-dessus. Tu vas voir le type qui l'a poignardé. Et tu lui dis qu'en fait il serait mort d'un empoisonnement, tu vas voir l'autre que tu penses l'avoir empoisonné, tu lui dis qu'il a été mort du coup de couteau, et tu peux peut-être tenter de les faire se balancer avec ça, hein, parce que si jamais tu fais croire à chacun d'entre eux qu'il est mort de l'autre truc, tu peux peut-être le tirer d'affaire. En fait, si on arrive à en coincer un, on chope les deux. Il suffit qu'on en ait un et on chope automatiquement les deux. Parce que s'il a le moindre info, le moindre soupçon sur quelqu'un d'autre, il va le balancer tout de suite. Et attends, et sinon, autre chose. Alessandro nous a dit que le majordome avait même connu son arrière-grand-père. Ou son grand-père. Donc, son grand-père serait mort d'une maladie quelconque ou d'un truc. Son père serait mort aussi de vieillesse, mais un truc bizarre. Et lui, et Lupo serait mort. Donc, le gars, le majordome, il est là, et en même temps, le majordome aussi a montré à un moment des trucs bizarres. Et que fait un majordome, généralement, c'est lui qui amène la bouffe, où il va servir les gens, il connaît les habitudes des uns et des autres, il sait les servir, enfin voilà. De manière régulière, pour être majordome, c'est pas mal. Et voilà, après, ça pourrait peut-être dire qu'il y a une vengeance derrière tout ça, il y a peut-être quelque chose qu'on sait pas, qui cache avec lui. Et qu'il détruit la famille petit à petit, du moins les... Est-ce qu'on peut pas fouiller la cuisine? Je vais demander à un des petits gars d'aller fouiller la cuisine, voir s'il pourrait pas retrouver un truc qui pourrait ressembler au poison en question. Ça sera sans doute planqué dans une chambre, mais on sait jamais. Mm-hmm. Et l'autre, je vais lui demander si c'est dans quel genre de boutique est-ce qu'on peut se procurer le poison. Enfin, dans le genre de boutique ou même marché noir, ou le genre de poison qui a été utilisé. Parce que autant si le poison c'est facile à se procurer, peut-être que ce poison-là, moins... C'est une excellente question, ma jeune dame. Voyez-vous, ce poison-là, comme vous le dites, est un peu plus difficile à obtenir que n'importe quel poison plus classique, on va dire, dans son effet. Oui, clairement, vous trouverez... Alors, encore une fois, il faut partir de deux hypothèses. C'est soit la personne sait le fabriquer, et dans ce cas-là, il y a un accès plus facile. Le marché, par exemple, peut contenir, pour les connaisseurs, d'excellentes ressources pour fabriquer ce poison. Parce que c'est une réaction chimique. excusez-moi. Ah, la vieillesse, vous savez ce que c'est, vivement la retraite. C'est une réaction chimique, notamment de l'écrime en contact de quelques plantes et quelques aliments que je ne vais pas vous détailler pour la simple et bonne raison que je ne donnerai pas la recette de ce poison comme ça, vu la mortalité qu'il peut avoir, une fois mélangé, qui va créer cette réaction-là. Mais, d'un autre côté, si... personne n'a les compétences dans cette maison de construire parmi vos suspects, et bien dans ce cas-là, il va falloir se tourner vers des marchés très obscurs, des marchés tenus par des... j'allais dire des concernes, pas du tout, excusez-moi, je perds la tête, par des guildes, et sûrement des guildes... je vais pas vous mentir, vous la connaissez sûrement comme moi de réputation, mais s'il y a bien une guilde qui pourrait revendre ça sur le marché noir pour se faire de l'argent, c'est la seule qui s'apprête à des métiers d'assassinat. Ok, très bien. Je pense qu'il est peut-être allé de temps d'aller interroger les suspects. On les a déjà bien fait poireauter. Ouais, je pense qu'il serait aussi intéressant de creuser un peu le passé de, si on peut, si on a des infos sur lui au ministère du majordome. Peut-être essayer de creuser un peu son passé. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes qu'on pourrait trouver sur lui. Voilà. Vous décidez, comme vous l'avez dit, d'aller interroger quelques suspects. Maintenant, ma question, ça va être qui ? Et est-ce que vous y allez tous les trois, vu que notre ami Hugo reste dehors à surveiller. En tout cas, voilà, dites-moi par qui vous voulez commencer avec les nouvelles informations, vu que vous avez l'air d'avoir eu plein d'idées différentes, plusieurs axes sur comment essayer de piéger, etc. C'est le moment de me dire, voilà, concrètement, ça y est, qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'il faut commencer par le majordome, et qu'on lui parle du poison, qu'on mette les pieds dans le plat, qu'on lui demande si... des questions très orientées, s'il a déjà utilisé du poison, si jamais il en possède, s'il possède des ingrédients qui permettraient de construire du poison. Tandis que notre cher Georges fera le tour de sa chambre avec l'appareil. Ah non, il aura les mains menottées. Ouais. Faut lui menotter les mains avec la machine. Il faut qu'on observe ses réactions. Mmh. Ok. Eh bien, vous allez rendre visite, du coup, au majordome de son prénom, pardon, Cyriaque Tacelli. Vous le voyez, il est un peu nerveux, hein, en même temps, vu l'ambiance qui a changé, et puis... vous le savez, hein, par contre, c'est normal, hein, je veux dire... c'est toujours intimidant, surtout maintenant qu'il y a ce côté un peu scientiste qui est intervenu dans l'histoire. Est-ce que je te laisse, Georges, présenter un peu le procédé pour jouer un peu le show, pour le mettre en ambiance mentale de « il va subir quelque chose » ou tu Alors, préfères eh bien, faire cette scène de façon directe ? Eh bien, je vais pas lui présenter avant de l'avoir menotté. C'est-à-dire, je vais le menotter comme si je le menottais vraiment, et déjà comme ça on juge la réaction sans explication, et après je lui explique que c'est pour lier à la machine et du coup pouvoir détecter plus facilement. Quand tu le menottes, tu vois, qui est directement sur la défense. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais vous avez perdu l'esprit, mais que faites-vous ? J'en profite aussi pour fouiller ça, sur la recherche de quelque chose qui ressemblerait à du poison. Très bien. Tu fouilles sa chambre pendant que Georges est en train d'installer le système. Une fois que tu lui expliques, du coup, l'utilité, tu vois qu'il se calme un peu, du moins physiquement. Et je vous laisse du coup mener l'interrogatoire pendant que Esther, tu peux intervenir hein, pendant que tu es en train de fouiller la chambre. Je te donnerai les informations après, comme la dernière fois. Je pense que je vais laisser les autres les poser pour l'instant. Pas besoin de s'y mettre à 10 000. Si j'en ai en plus, je le dirai. Ce serait plutôt Victor, du coup. Si ça te va. Ouais. Du coup, là, on interroge, donc c'est... Le majordome. Le majordome. Tac. Et tout nous soupçonnons l'empoisonnement. Ok, donc... Bonjour. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous travaillez pour cette famille? Depuis mes 15 ans, monsieur. Ok, donc patriarche, je vais appeler ça comme ça, avez-vous servi depuis que vous êtes ici? Bien, j'ai servi Lupo, son père, ainsi que le père de son père, monsieur. D'accord. Vous n'avez ressenti aucune tension depuis que vous êtes ici avec les patriarches qui se sont succédés au niveau de la famille? Vous savez, des tensions, nous sommes dans une famille d'autant plus aussi importante pour la ville de Venise. Il y a forcément des tensions, monsieur. Et comment pourriez-vous qualifier ces tensions, pour le coup? Des tensions familiales comme il y a dans toute famille. Je pense que vous allez voir n'importe quel maître de doge à l'heure actuelle et visiter leur famille. Je pense que il y a des tensions comme dans n'importe quelle famille. Tensions qui pourraient donner envie de... Vous-même, pas de tensions dans votre famille? Oui, mais de là à tuer, puisque c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Enfin, c'est ça que je vous demande, en gros. C'est, est-ce que ça serait peut-être des tensions qui amènent à ce genre de malheur? De là à tuer, non. Je ne pense pas à des histoires de pouvoir ou de choix de tradition, mais personne ne tue pour des idées. Ok. Que pourriez-vous me dire sur du coup l'arrière-grand-père, le grand-père et le père, enfin, comment sont-ils morts d'ailleurs? Eh bien, l'arrière-grand-père est mort de vieillesse, son cœur a lâché après avoir bien vécu. Quant à son fils, hein, et père de Lupo, il est mort, pareil, d'une maladie, en étant tout de même... assez âgé. Parti jeune, malgré tout, mais âgé. Jeune, c'est-à-dire? Oh, c'est-à-dire que la famille d'Alatillo a une longue longévité. Mais, pour la moyenne des gens, il est parti à un âge qui me semble assez respectable. D'accord. À peu près le même âge que Lupo, ou... Oh, un peu plus jeune, il est mort au début de sa soixantaine. D'accord. Et l'arrière-grand-père aussi? L'arrière-grand-père est mort plus vieux. Plus âgé, d'accord. Je me souviens plus de son âge exactement, vous voulez m'excuser monsieur, mais vous savez, quand j'ai commencé à travailler pour la famille, l'arrière-grand-père était déjà très âgé. D'accord. Et en fin de... Je n'ai pas entendu, mais je vous crois. Très âgé et en fin de vie. D'accord. Parfait. Est-ce que vous auriez des choses à nous dire sur les membres de la famille aujourd'hui? S'il y a des choses que vous auriez pu noter, vous avez l'air de parfaitement bien les connaître, puisque vous êtes là de nombreuses années, des choses qui pourraient nous être utiles, des choses qui pourraient orienter peut-être notre enquête. Alors ça, clairement, c'est le genre de question que vous avez déjà posé, je pense, à la premier interrogatoire. D'accord. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a rien de très particulier. Il a fait partie de ceux qui vous ont donné le plus de petites sous-intrigues de la famille. D'accord. Le nom de famille des Dana, le fait que les deux hommes sont plutôt de genre nomades, mais qui sont un peu bloqués ici. Mais mis à part ces affaires-là, justement, que ça parlait de famille, il dit que voilà, rien de particulier. Donc. C'est vous qui nettoyez les armes de la famille ? Ou il y a d'autres Oui, tout à fait. D'accord. Donc, je suis majordome, c'est mon but de prendre soin de... Donc, on pourrait dire que c'est vous qui, a priori, aurez manipulé ces armes pour la dernière fois. Eh bien, pour la dernière fois, de ce qu'on sait, mais vu votre... votre amie... si elle a été manipulée à des fins horribles, non, je ne suis pas la dernière personne à l'avoir manipulée. Dans D'ailleurs, quand est-ce que vous les avez nettoyés pour la dernière fois ? Ça remonte à une semaine, il me semble. Une semaine ? Ok. C'est vous qui amenez tout ce qui est repas, collation pour... Tout à fait, c'est mon métier, monsieur. Après, vous pourriez être aidé par des servantes ou je, que sais-je, d'accord. Je suis le seul à servir. D'accord, vous êtes le seul. Autant pour moi. Je sais pas, faut m'aider, j'essaie de trouver des questions. Moi, j'avais vraiment les pieds dans le plat. Hein. Ouais. Sur l'arme, carrément ? Sur le couteau ? Enfin, avec lui, ce serait le couteau ou ce serait le poison qu'on mettrait ? Quitte à faire une connerie. Je vais le voir et je lui fais... quelle eau buvait le défunt Lupo ? Eh bien, de l'eau... oui, tout à fait, mais il ne buvait pas que de l'eau, il buvait aussi de l'alcool. Que vous lui apportez. Y a-t-il une bouteille en question ? Oui, tout à fait. Qu'il était le seul à boire, quelque chose que seul lui consommait dans la maison. Je ne pense pas. Il avait quelques bouteilles préférées, oui, mais en soi, personne n'était interdit de se servir. Dans ce cas-là, j'aurais une autre question. Dites-moi, si quelqu'un, de manière extrêmement régulière, c'est-à-dire environ une fois par jour, ces derniers mois, pendant plusieurs mois, aurait voulu empoisonner votre client. Enfin, non, voilà. Oui, votre maître, voilà. Votre maître. À votre avis, comment ceci serait-il pris ? Étant donné que vous étiez le seul à avoir accès à sa nourriture et à son eau, et que vous prépariez les plats avant de lui donner. Nous avons initialement pensé qu'il aurait pu tout bonnement empoisonner les aliments dans la cuisine, mais malheureusement, Lupo est le seul à avoir été empoisonné. Alors, personne fait entre le moment où vous préparez le repas et au moment où Lupo l'avale pour ajouter du poison à l'intérieur systématiquement, chaque jour, pendant plusieurs mois, sans que qui que ce soit ne se doute de rien. Je ne saurais vous répondre. Enfin, je ne comprends même pas. N'est-il pas mort d'un coup de poignard ? Je passe avec nous. Maintenant, ma question. Excusez-moi, madame. Il lui rend visite tous les midis et tous les soirs, éventuellement, et mange avec lui en tête-à-tête. Si c'est le cas, dites-le nous maintenant. Cela pourrait vous épargner. Ce n'est pas le cas. La famille mange majoritairement ensemble, madame. Très bien. Voyez-vous, nous avons de fortes raisons de penser que vous auriez pu empoisonner Lupo. En tout cas, c'est ce que nous semblons croire après les dires des autres membres de la famille que nous avons interrogés précédemment. Et sachez que je ne pourrais pas te donner plus de détails là-dessus, mais que les relevés de Georges sont extrêmement pertinents et vont pour l'instant dans ce sens. Je ne sais pas quoi vous dire... La vérité, tout simplement. Absurde. J'ai l'impression d'imaginer que je puisse. Pardon ? J'ai mal entendu. Cacher quelque chose. Je veux bien croire que vous n'avez rien à dire et que le reste de la famille est simplement en train d'essayer de vous couler. C'est vrai que vous êtes sans doute le membre le moins important, la personne la plus sacrifiable. Mais le problème, c'est qu'ils vont sans doute arriver à leur fin. Si vous êtes réellement innocent, nous allons vous sacrifier en pâture. Et vous savez très bien quel est le sort qui vous attend. Alors, si jamais vous êtes innocent, aidez-nous. Dites-nous ce que vous savez. Tout. Absolument. Vous savez, pour moi, parler d'un des membres de cette famille, c'est trahir un peu toute ma vie. Je n'ai fait que desservir. Mais je suis honnête quand je dis je ne sais pas comment quelqu'un aurait pu s'y prendre. Comme dit, la famille mange réellement ensemble tous les midis, mais la personne qui est toujours le plus proche de Lupo, c'est son frère, Alessandro, qui est la seule personne à être dans une proximité assez proche autour de la grande table que vous avez vue pour interagir avec ses couverts. Mais je n'ose imaginer qu'il puisse faire ça. Il a beaucoup de rancune, mais pas à ce point-là. Beaucoup de rancune ? À ce point ? Vous savez, je l'ai vu plus ou moins grandir et être, même si je l'ai connu déjà, bon garçon, mais être le deuxième enfant de la fratrie et voir son grand frère acquérir tous les droits sur la famille, ça peut être compliqué. Pourquoi ça a rendu... Il a eu des années pour éliminer son frère. Pourquoi agirait-il maintenant ? Je ne sais pas pourquoi maintenant, pourquoi... Rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Je n'ai aucune faute à rejeter. Je m'ai juste demandé de réfléchir à une piste, c'est ce que je vous donne. Je pensais même qu'il était tué d'un poignard, c'est même ce que disait votre ami... ici présent, que le poignard avait servi. Vous l'avez d'ailleurs nettoyé, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que vous protégez quelqu'un. Quelqu'un qui, sans doute, n'aura pas hésité à balancer votre nom pour vous sacrifier, vous le jeter en pâture au métropolite. Sachez que nous avons... je vais observer que l'arme, la dague qui a été trouvée... eh bien, a été nettoyé soigneusement et de façon très méticuleuse par rapport aux autres armes. Et je dois dire que on sent bien que c'est là le geste d'une personne qui est habituée à faire ce genre de choses, à nettoyer de façon méticuleuse. Donc, les autres armes n'étaient pas aussi connues que ça. Je reconnais que c'est là mon métier, mais ça fait-il de moi un coupable ? Ce que je ne comprends pas, et veuillez m'excuser, messieurs, dames, mais je ne comprends pas comment peut-on... A-t-il été empoisonné ou... c'est pourquoi des questions sur le poison si ce qui vous intéresse, c'est savoir qui a nettoyé l'arme ? Je suis désolé, je ne comprends pas. Je m'excuse, mais je ne comprends juste pas où aller en venir. Je vous réponds le plus honnêtement possible. Est-ce que vous pouvez réexpliquer et m'expliquer un peu où... Enfin, sans me donner les détails de votre enquête, bien entendu. Je sais que là n'est pas votre métier, je n'ai pas à savoir ça, mais... Là où vous voulez en venir, je suis réellement trop confus, je pense, pour répondre comme il faut à vos questions. J'ai juste besoin de poser comprendre. Répondez, vous n'avez pas à comprendre ce qu'il se passe. Si vous avez vu quelqu'un faire quoi que ce soit, alors donnez-nous son nom. Quelle que soit la manière mais dont vous est mort, nous avons besoin de votre aide pour savoir si quelqu'un aurait pu l'empoisonner. Car si jamais nous ne trouvons personne d'autre, a priori, les autres se sont accordés pour dire qu'il s'agirait de vous. Puisque la mort par empoisonnement de Lupo, puisqu'il est, pour répondre en partie à votre question, en effet a été également empoisonné et poignardé, semble parfaitement correspondre à la mort de son père et de son grand-père avant lui. Or, vous étiez l'un des seuls à l'époque à pouvoir voir commis tous ces crimes. Les gens se demandent donc si vous n'auriez pas une espèce de grain dans la tête, si vous me pardonnez l'expression, qui vous pousserait à éliminer succinctement tous vos maîtres les uns après les autres. En tout cas, ils ont trouvé cette petite histoire extrêmement convaincante. Si convaincante, on se demanderait presque s'ils n'en avaient pas parlé entre eux auparavant. Eh bien, je ne saurais quoi dire. En tout cas, pour vous avoir un petit peu observé lorsque notre scientifique a annoncé, a mis en valeur cette dague, on vous a trouvé pas si surpris que ça, mais plutôt, comment dirais-je, contrarié peut-être. Alors que la majorité des gens avaient l'air vraiment consternés, vous de votre côté, vous n'aviez pas l'air forcément surpris, mais plutôt contrarié. Pourquoi ? Excusez-moi. À que sert la machine sur laquelle je suis lié ? Puis-je... Écoutez... Savoir. On vous l'a... Je pense que... Georges Vladimir Méliès vous l'a expliqué. Nous-mêmes, nous ne sommes pas... Que dit-elle ? Elle nous dira si vous avez quelque chose à vous reprocher. Mais j'aimerais savoir, dit-elle, que j'ai quelque chose à me reprocher. Le plus grave. Pourquoi avoir J'accepte de parler si vous me dites. J'accepte de parler si vous me dites ce que vous dit votre machine à l'heure actuelle. Donc vous êtes en train de nous dire que vous acceptez de nous divulguer quelque chose si vous savez le pourquoi de cette machine. Je divulguerai ce que je sais. Oui. Ok. Si vous dites. Ce qu'elle dit. Mais donc, vous savez quelque chose. Je sais quelque chose, je le dirai si vous me dites ce que dit cette machine. Très bien. Eh bien, je vais m'expliquer sur la machine, donc. J'étais à deux doigts de lui en coller une, hein. Tu viens lui sauver. Toi aussi, mais vas-y. Très bien, pour tout vous expliquer, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai découvert le poignard, j'ai bel et bien parlé, non pas de 4 coups exactement, mais de 4 ou 5. En effet, il y avait assez d'énergie de perturbation pour 4 coups, c'était certain, mais il en restait des résidus d'un autre potentiel, quelque chose de moins puissant, quelque chose de moins direct. C'est ce qui nous a mis sur la piste de l'empoisonnement. Et je vois ici qu'en effet, sur la machine, en tout cas à travers vos mains et à travers cette corde, vous avez aussi certains résidus qui sont liés à votre être, votre état fixe. Pour le moment, je dois vous avouer, je ne saurais dire si c'est parce que vous êtes à l'origine de l'empoisonnement et donc de l'énergie manquante, ou si c'est parce que vous avez découvert le corps. Mais plus cet entretien durera, plus j'aurai des informations précises. Soit. Nous pouvons toujours faire une petite pause interroger quelqu'un d'autre et revenir vers lui plus tard. Une fois qu'il nous aura donné l'information qu'il nous cache là tout de suite. Mm-hmm. Ainsi donc, Georges vous a parlé, à vous. Vous savez... J'ai longtemps servi cette famille comme un honneur. Je sais qui l'a tué. Est-ce que c'est moi qui a bien nettoyé la lame ? Yes, j'ai fait bon. Je connais. Je dis pas ça. Exactement comment. Yes. J'arrache mon monocle, je révèle que je Non, mais imagine. Imaginez deux secondes les Hercule Poirot qui finissent tous comme ça et Hercule fait YES! Oh, je bluffe. C'est quoi la crise de là? Du coup, ouais. Pardon. J'ai effectivement nettoyé la lame et. Et en plus de ça. J'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il soit effectivement malade. Très bien. Vous avez donc à la fois empoisonné, à la fois poignardé, enfin, à la fois aidé à laver le couteau de la personne qui l'avait poignardé. C'est l'idée. Ça, le but n'était pas de l'empoisonner, il devait pas en mourir, mais... Simplement être affaibli. Oui. Pourtant, il ne lui restait que quelques jours à vivre. Tout au plus, d'après le rapport du légiste, il ne lui restait que quelques heures. S'il n'était pas mort du couteau, il serait mort, tout court, quoi qu'il arrive. Et je ne saurais dire... Le but était de l'affaiblir, de... Et quel objectif ? Je ne comptais pas de le voir mourir. Vous savez... Mes relations avec Lupo ne sont loin d'être parfaites et un peu du mal à l'admettre, mais je voulais partir et il me l'a refusé. J'ai voulu jouer sur une maladie qui permettrait de le rendre, vous savez, moins capable de prendre des décisions. Vous savez, je suis vieux, il me reste sûrement quelques années avant que... Une nouvelle personne vous remplace. Qu'est-ce qui vous fait dire que Alessandro vous aurait laissé partir, lui ? Eh bien, mon but n'était pas de le tuer. Mon but n'était jamais été de rendre Alessandro patriarche de cette famille. Mon but était de le rendre faible... pour qu'il accepte dans l'urgence d'avoir d'autres personnels que moi et en profiter pour réussir à poser mon départ. Très bien. La personne, de vous à moi, la personne tenant le couteau, il s'agissait d'Erwana, non ? Je regarde sa réaction sur ce que son tu visage... Tu vois qu'il a un visage très fermé et très... un peu surpris quand tu dis ce prénom, mais tu sais, micro-expression, quoi, vraiment, c'est pas la surprise de... Tu vois, c'est vraiment... C'est pas ce que je dis, ça. Voilà, c'est... C'est vraiment subtil, en termes de... Et... Non, ce n'est pas elle. Alors, de qui s'agit-il ? Je ne sais pas si... Il y a beaucoup d'intérêt que je vous le dise, après tout. Vous savez, croyez-moi, si j'ai avoué. Vous avez intérêt à le faire. On dit rien. Écoutez, si. L'intérêt, c'est que la justice soit faite. Et malgré que vous ayez, même si vous avez avoué avoir voulu affaiblir et non pas tenter de tuer Lupo, comme vous le dites, quelqu'un, lui, a voulu l'assassiner réellement. Et de par ce couteau, et il faut que la vérité et la justice soient faites. Donc de quoi est-il vraiment mort ? Il n'y a qu'un de nous deux qui est réellement coupable. C'est le couteau qui l'a tué. Comme je vous l'ai dit, le poison l'aura tué quelques jours plus tard, mais techniquement, c'est le couteau, enfin le poignard, la dague qui l'a éliminé. Exactement. Ce qui veut dire qu'en l'absence d'autres preuves, nous vous inculperons. Et vous écoperez de la peine maximale pour meurtre. Nous aurons rendu notre dossier, tout ira bien. Maintenant, si jamais vous nous dites la vérité, alors nous pourrons incriminer le véritable coupable. Et dans ce cas-là, nous n'aurons aucune raison de s'en prendre à vous, puisque le poison aura été un élément anodin. Dans ce cas, vous ne serez que complice pour avoir nettoyé l'arme. ce à quoi nous vous pardonnerons puisque vous nous aurez aidé à trouver l'assassin. Maintenant, je peux très bien aussi partir de cette pièce immédiatement, aller voir chaque personne individuellement et lui dire que vous avez avoué l'avoir surpris en train d'éliminer Lupo et que vous l'avez aidé à nettoyer l'arme. Et que vous avez tout avoué. Devant tant d'éléments, n'importe qui de coupable avouerait immédiatement, pensant que vous avez bel et bien dit la vérité. En l'occurrence, ce que vous dites ici n'aura plus grand-chose à changer, à part de nous faire gagner un petit peu de temps et d'améliorer considérablement votre cas. Ainsi que de vous à moi, que les choses soient claires, nous n'avons peut-être pas eu El Procedimento, mais nous allons avoir l'assassin de Lupo, et ce dans moins d'une demi-heure. Alors parlez, faites-nous gagner du temps. Soit. Si cela me permet de vivre mes dernières années ailleurs que dans un bagne. J'ai honte, mais. Je pense préférer ma survie à celle d'un autre. Eh bien, son frère est passé à l'acte. Il s'était disputé récemment, mais rien qui nous permettait de dire que c'était étrange. Vous savez, ils se disputent tout le temps. L'un pense que la foi aux scientifiques est importante, l'autre pense que il faut redevenir de puissants politiques, et je ne pensais pas que ça finirait aussi mal ce soir-là, et j'ai surpris Alessandro Drow le soir même, et j'ai fait ce que j'ai toujours fait, j'ai servi la famille. Il m'a demandé de... de l'aider, et j'ai nettoyé la lame, j'ai tenu silence jusqu'au lendemain matin avant de découvrir le corps au réveil. Vous savez, j'ai honte de moi, de lui, de nous tous. Bien, vous faites bien de dire la vérité. Mmh. Maintenant, nous allons, vous comprenez, confronter un peu vos dires avec Alessandro. Mais disons que vous avez fait la chose à faire, oui. Une dernière question, où se trouve le poison? J'ai fouillé votre chambre, je n'ai rien trouvé. Nous n'avons rien de prenant dans la cuisine. Je l'ai acheté à très petite dose et à chaque fois le contenant, enfin le, oui c'est ça, le contenant a été jeté très bien. Dans les crimes. Où l'avez-vous acheté? Je l'ai acheté au marché noir. J'ai été mis en contact dans la basse ville avec un hurleur et il m'a mis... il me vendait régulièrement les doses. Vous auriez son nom? Sait-on jamais? Malheureusement non, pour éviter sûrement que des idiots comme moi se fassent avoir et qu'on remonte jusqu'à eux. Nous avons que des noms de code. Vous pourriez en récupérer à nouveau. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Ma question est simple. Si là, demain soir, nous vous proposions d'éviter de finir... de vous faire arrêter tout court en échange d'une petite opération d'infiltration, vous n'auriez qu'à vous rendre dans ce même quartier, retourner au niveau du marché noir et récupérer la même dose auprès du même marchand habituel, le tout évidemment en étant suivi par des métropolites déguisés en civil afin d'identifier cet homme, vous n'y verriez aucun inconvénient. Une fois parti, vous serez libre, nous pourrions également arrêter un trafic. Je n'ai pas d'attache particulière avec un vendeur de Malmort. Ok. Bah, je pense que On peut laisser le monsieur en attendant et aller voir notre cher Alessandro. On a eu des infos. Ouais. Ok. C'est bien, on a. Vous allez voir les Alessandro. Ouais. Et je vous laisse entamer la conversation une fois. Alors, connard. Comme ça, on a tué. On sait. On sait. En mettant les pièces sur la. Eh bien, sachez qu'il a été empoisonné. Par un monsieur fumier. Ouais, est-ce que quelqu'un veut faire l'interrogatoire? J'ai pas mal dirigé celui d'avant, peut-être qu'on peut switcher, si vous voulez. Bah, du coup, je vais le faire, parce que si Georges est censé... À part si Georges, tu fais péter la... Non, j'aimerais essayer de lancer une introduction avec ma machine, quand même, pour continuer à lui faire croire. Vas-y, c'est plus très utile. Commence. Voilà. Ça joue sur la pression. Voilà. Bah, du coup, je vais faire la même chose qu'avec le majordome, c'est-à-dire que je vais aller directement pour lui attacher les mains sans lui dire ce que je fais. Voir déjà comment il réagit. Pareil, et tu vois qu'il comprend pas, il a ce regard un peu agressif qui te lance, mais il dit rien. Bon, du coup, en voyant qu'il dit rien, en finissant un peu de l'attacher, je vais dire... Ce fil va servir à ma machine à mesurer de manière plus précise où nous en sommes au niveau des pertes. Oh, bon sang des crimes. Je vais me tourner solennellement vers mes deux collègues Métropolis. Que se passe-t-il avec quelque chose ? Il y a un souci ? Eh bien, et je vais me tourner directement du coup vers le monsieur et je vais dire. Pourquoi ? On le regarde tous, pourquoi j'imagine. Pourquoi vous avez fait ça ? C'est la question n'est même plus... C'est même pas ce que vous avez fait, c'est on passe directement à pourquoi. J'adore. Du coup, on a un regard pourquoi genre... Pourquoi j'ai fait ça ? Qu'est-ce que vous avez en tête ? Eh bien, pourquoi vous l'avez poignardé à 4 reprises alors qu'il était déjà mort dans son lit ? Les salauds, c'est ce qu'il raconte, hein ? C'est ce que je vois. Vous voyez mal, mon cher, vous voyez très mal. Bah, dites-le tout. Monsieur Méliès, dire quoi ? C'est un complot, ils veulent me faire passer pour coupable, ils veulent m'éloigner. Qui il pouvoir. Voilà ce qu'il en est. Mais tous ! Ils sont tous dans le coup. Vraiment, vous pensez qu'ils sont tous dans le coup ? Mais bien sûr. Combien ont parlé ? Combien ont avoué ? Combien ont cité mon nom ? Mais... Si vous pensez qu'ils sont tous contre vous, pourquoi ne pas en avoir, ne serait-ce que évoqué tout cela la première fois que nous avons eu une discussion ? Parce que j'étais sous le choc. Je viens de découvrir mon frère mort, vous savez. C'était pas le majordome qui l'a découvert ? Oui, enfin après j'imagine qu'il a fait venir tout le monde. Découvert au sens large. Oh, mais ça va du coup. C'est comme si t'es vraiment mort. Enfin, ce n'est pas comme si il s'était passé une heure ou deux. Là, on est déjà c'est déjà passé du temps entre les deux. Je veux dire, et bien sûr, mais comprenez. Enfin, il y avait tellement de choses à comprendre. Comment aurais-je savoir? Maintenant, je sais. Il y avait des choses que je ne savais pas qui m'avaient échappé. Quel genre de choses ? Que quelqu'un l'avait poignardé. Quel genre de choses ? Combien ont avoué ? Combien vous ont dit la vérité ? Jusqu'à présent, personne nous a dit la vérité, puisque c'est notre cher scientifique, monsieur Mienès, qui, de par sa machine, a l'air de... Mais sa machine dit n'importe quoi. Voyons. Ça ne marcherait, elle aurait jamais dit que je l'ai poignardé. Est-ce que vous avez fait ça autrement? Alors ils ont vraiment pas parlé, les salauds. Vous voyez la vérité? Tous. Ils ont tous voulu l'empoisonner. Mais ils ont été malins. J'étais dans le coup, moi aussi. Ils ont fait un faux meurtre pour que ce soit moi qui prenne. C'est ça, la vérité. Donc vous étiez dans le coup. Et nous l'avons empoisonné. Vous l'avez empoisonné? La famille l'a empoisonné. Tout le monde en avait marre de lui. Mais j'ai même douté qu'il voudrait pas de moi au pouvoir. Alors ils me font accuser avec un faux meurtre. Poignard. Comme si j'étais assez bête pour prendre un qui traîne dans un couloir. C'est évident. Comment vous l'avez empoisonné, du coup? Ah, ce n'est pas moi. C'est un choix collectif. On a cotisé, on a acheté du poison. Ce poison était dilué tous les soirs dans sa chère boisson à ce cher frère qui adore tant boire. Et chaque soir, il allait se coucher. Mais pas ce soir-là, il est tombé avant. Alors on l'a monté dans son lit pour faire une mort naturelle. C'est avant que quelqu'un d'autre remonte hein, pour faire ses coups de poignard pour m'accuser. Vous êtes en train de nous dire que vous l'avez tous empoisonné et que ce soir-là, il est mort devant vous à table et que vous avez été le déposer dans son lit. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah, oh, bien sûr, ils ont cru pouvoir... C'est... L'empoisonnement, c'est bien, ça fait une mort naturelle. Mais si oui, une mort naturelle, il n'y aurait jamais eu d'enquête. Ce qui vous a fait venir ici, c'est les poignards. D'ailleurs, le saviez-vous qu'il a été empoisonné? Moi, je vous le dis. Il a été empoisonné. Vraiment? Par nous tous. C'est un choix. Nous sommes... Nous avons tous une raison de vouloir le voir partir. Et visiblement, ils avaient une raison pour que je ne prenne pas le pouvoir après. Alors, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont créé une autre histoire pour qu'il y ait une enquête criminelle et que ce soit moi qui finisse avec un avocat d'Ulysse qui essaiera de sauver ma peau. Vous auriez un échantillon du poison dont vous parlez? Ce serait le meilleur moyen de vous libérer et de... Non, et... j'ai pas d'échantillon, voyons. Enfin, personne n'en a d'échantillon. On achetait à petite dose et une fois fini, on jetait dans les crimes les fioles. On n'est pas bête pour garder des preuves. Et vous rendiez tous au marché noir? Bien sûr que non. Qui est-ce qui allait? La seule personne qui sert la famille ici. Le seul qui n'était pas suspect s'il sortait trop longtemps. La petite, donc. Je... En avant. Il va chercher le majordome. Le majordome. Mais c'est une pratique de famille ou parce que à ce compte-là, on pourrait tout à fait envisager que votre père est mort empoisonné et que votre arrière, enfin, votre... N'insultez pas à la mémoire de mon père. Non, mais je sais pas. N'insultez pas à la mémoire de mon père. Soyez sérieux. On aimait notre père, Lupo et moi. Il est mort de cause naturelle. Les maladies, ça arrive même à nous. Mmh. Alors voilà. Ok. Donc c'est ce que vous avez espéré montrer à tout le monde en faisant cela. Que les maladies arrivent à tout le monde. Même à Lupo. Même à Lupo. Mais Lupo, c'était un choix. Il menait à rien, il bloquait les gens, et à force de s'attirer la foudre de chacun des membres de sa famille, il a pu passer à autre chose. Mais mon père était un homme respectable. Écoutez, c'est... surprenant. Mais il est vrai que... Évidemment. Nous n'avions pas eu le temps d'évoquer l'empoisonnement avec vous. Mais que vous l'avez annoncé sans même qu'on... qu'on vous l'ait dit. Évidemment. Ils essayent de m'accuser. Et voilà vos preuves. Donc, vous dites que... c'est Luigi, ça je, non, il y a Luigi, Alan, Erwana, le majordome aussi, on compte dans le truc, et vous auriez empoisonné, donc de façon collégiale, ce Lupo. Donc vous êtes en soi tous coupables. Ouais. Et si vous voulez un bouc émissaire, hein, allez voir Erwana, elle qui voulait tant diriger la famille, qu'elle en prenne les conséquences. Et dans ce cas-là, selon vous, qui aurait planté ce couteau dans le dos de votre frère ? Je sais pas, je ne sais pas si c'est tous qui étaient ligués contre moi, mais... Ça serait pas si étonnant, ils se sont mis d'accord, il fallait m'accuser derrière, il fallait des preuves qui allaient vers moi. Puis je suis connu pour être un peu sanguin. Et donc voilà, ce sera de ma faute. Je ne sais pas qui l'a planté. Je sais une chose, hein, ce qu'ils l'ont fait pour m'accuser. Est-ce que vous vous rendez compte que en cas d'opposition, vous aurez 6 voix contre vous, donc ce sera la parole de 6 personnes contre la vôtre ? Donc pour l'instant, nous avons tout intérêt à les écouter. Vous nous aideriez grandement en nous fournissant ne serait-ce qu'un début de preuve pour suivre vos faits, puisque pour l'instant, c'est votre parole contre une seule personne. Nous aurions du bien, du mal à inculper 6 autres personnes. Tout ça parce que vous dites que eux mentent. Comprenez qu'on n'a pas à garder les preuves, nous ne sommes pas stupides. Et si j'aurais su qu'ils allaient se retourner contre moi, j'en aurais gardé avec plaisir. Mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. On n'a pas de preuves. Parce que on a jeté ce qui allait servir de preuve. C'était le but. J'ai pas forcément dit que vous aviez gardé des preuves, mais que vous ayez quelque chose d'autre qui permettrait de prouver que tout le monde est lié là-dedans. Le fait que n'importe qui ait pu mentir sur son alibi ou quoi que ce soit dans le genre. Qu'on puisse par exemple retrouver des traces de poison à l'intérieur d'une de ces bouteilles dont vous nous parliez tout à l'heure. Vous savez pas, le poison était mis dans le verre, pas dans les bouteilles. Mais c'est dans les verres. Et pour le coup, bien sûr que tout le monde a menti sur ton alibi, et en même temps ils vont tous mentir en disant la vérité. Et oui, on était tous dans cette maison parce que il est mort. Très tôt, il est mort à la fin du repas en allant se coucher. On l'a monté dans son lit, nous sommes tous passés une soirée dans la maison afin que personne ne nous voit en extérieur. Et par conséquent, bah, tout ce qui se passe au milieu de cette maison n'a aucun intérêt. Vous vous êtes tous quittés de vue après l'avoir rangé dans sa chambre ? Tous. Certains restent ensemble, vous savez, il y a des couples dans l'histoire, mais oui, nous avons fait bande à part, nous avons traîné, je sais pas, une demi-heure après pour s'assurer qu'on n'a pas laissé de preuves, s'assurer ce genre de choses, on a pris le temps d'aller... Très bien. J'ai une preuve. Je pense voir quel point nous permettra de trancher dans cette affaire. Attendez, il vient de dire qu'il a une preuve. Ah pardon, j'ai pas entendu, ça a coupé. Si... Il n'y a pas de souci. Si vous allez... Tout au fond de notre terrain, vous trouverez des fracas de verre cassé. C'est le verre que nous avons jeté lors de sa dernière soirée. Nous irons voir. Je vais juste prendre à part les collègues, histoire qu'ils ne nous entendent pas. Pour savoir qui nous permettrait de trancher dans cette affaire. Je vous propose, si vous voulez bien, de tenter quelque chose. D'aller voir Erwana, parce que il a l'air de dire que c'est un petit peu lead, un peu leader quelque part de ce groupe dissident à leur plan. Et de tenter un truc du style que le majordome l'accuse d'avoir d'avoir genre poignardé le gars pour voir en gros si elle pourrait dévoiler genre un truc mais c'était pas ça, pourquoi il a dit ça, enfin genre en fait parce que si on l'accuse directement en disant que c'est Alessandro qui dit que c'est elle et du coup ils vont se renvoyer la balle, alors que si tu fous un peu le bordel dans leur pseudo alliance de groupe, que ce soit le majordome et elle et tout ça, du coup ça peut peut-être c'est une bonne idée. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que je serais allé voir avant, par contre ? Moi, je serais allé voir la petite. Parce que s'ils ont bien tous menti sur leurs alibis en mode on allait dormir les uns après les autres, machin, qui sont montés groupés avec le vieux, il y a forcément un truc qui colle pas, que la petite, qu'elle va trahir, qu'elle le veuille ou non. Je pense pas qu'elle soit au courant, mais il y a forcément des trucs qui sont mal tournés, et je pense que c'est de elle qu'on peut obtenir la vérité. Ouais. Je pense que si on va la voir et qu'on lui fait face à peu près tous les faits qu'on a eus, évidemment de manière un petit peu détournée, parce qu'elle balancera jamais vraiment non, alors à part envie de trahir sa famille face à des inconnus. Ouais, genre Pépé, est-ce qu'il était malade ? Qu'elle s'en rende compte. Tout simplement, est-ce qu'elle dormait ? À partir de quelle heure ? Est-ce qu'elle a entendu du bruit ? Est-ce qu'il semblait y avoir plus de monde ? Est-ce que les gens se sont allés se coucher les uns après les autres, etc. Ouais, on peut faire ça. Hein. Ok. Je le fais en Discord en direct, je suis désolé, mais vu l'heure, ce sera plus simple pour avoir juste les informations plus concrètes. Donc vous allez pouvoir lui poser des questions, et effectivement, bon, je suppose déjà que vous ne faites pas tout le jeu avec Georges, parce que, je veux dire, c'est une gamine, lui mettre des menottes pour foutre la pression, ça ne va pas... Ça va pas fonctionner. Lui pleurer, je ne suis pas sûr que ça... Ça marche pas aussi bien en termes de mind game, mais voilà, vous allez pouvoir lui parler, et effectivement, en fait, c'est exactement comme l'a dit Esther pour le coup à l'instant, c'est que ouais, en fait, il suffit de poser des questions en direct, effectivement, face au fait, enfin, la gamine est innocente, effectivement, il y a peu de chances qu'elle soit au courant de ce qui se passait, et elle peut trahir beaucoup d'informations comme ça, sans s'en rendre compte, quoi, de vraiment ce qu'elle est en train de dire. Et elle était couchée très tôt, c'est-à-dire que d'habitude elle mange avec tout le monde, mais que ce soir-là, elle avait été nourrie avant et couchée par sa mère plus tôt. Et ça faisait 2-3 jours qu'il faisait ça. Si à un moment vous avez l'impression qu'il me manque des informations, n'hésitez pas, parce que là je fais de tête du coup ce qu'elle peut vous dire, si jamais vous avez des questions précises, j'y répondrai. Et elle a entendu effectivement, parce que là du coup j'essaie de rebondir sur les idées des questions que vous avez eues, comme ça j'y réponds immédiatement. Elle a entendu effectivement un énorme bruit à un moment, un fracas, genre un objet qui tombe au sol, un objet lourd. Elle s'est inquiétée, et en fait elle a voulu descendre, et en descendant il y a alors c'est pas sa mère, mais c'est l'un des membres de la famille, c'est du coup Alan, hein, qui est venu la recoucher en disant que c'était rien, c'était juste un objet qui était tombé, etc. Ça c'est une des informations que vous avez eues. Après, par rapport à d'autres questions que vous auriez pu poser, j'essaye de voir, mais voilà, concrètement c'est ça. Après, elle a entendu des bruits, des gens marcher, etc., mais elle peut pas vous donner exactement genre l'heure précise, quoi. C'est un enfant, elle avait pas l'heure à accrocher devant les yeux pour dire à telle heure il y a tel passage, quoi. Mais il y a eu de la vie, en tout cas dans la maison. D'accord. Alessandro a raison. Ouais, ça corrobore plutôt la thèse d'Alessandro. Moi, j'ai d'autres éléments pour corroborer Alessandro. C'est que peu importe qui a poignardé, il faut être sacrément con pour remettre le poignard à l'envers. Il y a ça. Il voulait qu'on retrouve les personnes qui ont fait ça voulaient qu'on retrouve le poignard. Donc c'est en effet, il y a eu volonté qu'il y ait une enquête. Mmh. Même après, il a avoué avoir empoisonné. Alors qu'on n'avait pas encore parlé qu'il était mort empoisonné. C'est ça. Autre chose, si j'ai oublié son nom, Lupo et Alessandro meurent, tout le monde est content parce que Erwana devient matriarche et Alan et Luigi peuvent partir en voyage sur les traverses. Et le majordome, il peut se casser. C'est juste que l'autre. Et le majordome se casse pour le team. C'est le résultat est le même. Donc en effet, en un seul coup, ils peuvent obtenir dégager les deux personnes. Et puis dernièrement, Alessandro nous a parlé du verre cassé dans le jardin. Si jamais on arrive à le trouver, ça fera pas une preuve contrairement à ce qu'il dit, mais c'est toujours ça va dans ce sens-là en tout cas. Ouais. Il y a effectivement. Je suis sûr que rapidement. Et il y a effectivement des bris de verre cassé quoi. Ouais, après, effectivement, du poison dedans. Quoi. Appeler ça une preuve, c'est peut-être un peu fort, mais ce qu'il dit est vrai. Faut savoir comment on gère la suite des événements. Parce que, à savoir, est-ce que on y va cash et on leur dit c'est bon, on est au courant. Alessandro et le majordome ont tout avoué. Maintenant, faut parler. Faut leur rentrer dans le lard, en gros. Parce que là, C'était pas mal quand même le coup d'essayer d'avoir confirmation avec Erwana et en utilisant le majordome comme accusation. Ouais. Alors on les dans une pièce. Si on veut être sûr à fond, c'est à faire. Alors, juste histoire de terminer à l'heure, je me permets du coup d'accélérer de dire que on va aller voir Erwana parce que de toute façon c'est le plus intéressant. Ouais. Juste histoire que vous soyez sûr, du coup vous préférez jouer sur le majordome plutôt que tout dire directement, c'est ça ? Le majordome, on peut même dire que c'est le majordome et par exemple le fils, tu vois, ou en tout cas que les gens. Alors peut-être pas le fils, mais plutôt peut-être le compagnon du fils. Alan ? Ouais, Alan. Un peu plus éloigné, lui qui l'aurait trahi aurait commencé à parler. Et à ce moment-là, lui dit mais ce que Alessandro, lui, nous a dit. Et que les gens balancent pour améliorer leur sort. Puisqu'on avait dit précédemment que ceux qui. Si jamais il y avait plusieurs personnes coupables, et que l'une d'entre elles parlait, elle aurait une peine moins grave que celle des gens qu'elle dénoncerait. Oui, en gros, comme si les deux auraient dit c'est Alessandro et elle qui voulaient se débarrasser de Lupo. Oui, oui. Et pas eux. Eux, ils y sont pour rien. Ils ont plus dit la vérité qu'ils nous aient dit la même chose qu'Alessandro. Que eux, ils nous aient dit que le majordome et tout, et l'autre nous a dit c'était tout le monde qui était impliqué. On voulait faire le porte-chapeau à Alessandro. Mais vu que vous êtes en train de découvrir la vérité, on vous donne les noms maintenant. Comme ça, nous, on sait qu'on va améliorer notre sort. Et du coup, elle, on va la voir en lui disant ça. Et en fait, on va voir tout le monde en disant un peu l'histoire. Et normalement, la MJ nous confirmera ou pas. Je pense que tout le monde craque et je pense que tout le monde s'entre-dénonce. Terminé. Allez, salut. Je pense que si on fait ça, ils nous dénoncent tous les uns les autres. En moins d'une heure, du coup, le domino. Est-ce qu'on peut enregistrer les conversations éventuellement? On a du matériel? On n'a pas le matériel. Alors, pas d'enregistrement. Non. Et sinon, il faut aller chercher des personnes dont c'est le métier d'enregistrer les informations. On va les faire avouer. Vous allez voir Erwana. Et comme dit, voilà, je fais le moment où vous installez, parce que Charlie, de toute façon, vient de le faire très bien. Mm-hmm. Donc voilà, tout le moment où là, vous expliquez, voilà, c'est ces deux-là qui ont parlé, ils ont dénoncé, ils ont préféré avoir une peine plus courte, etc. Et Erwana réagit ainsi. Après un énorme soupir, vous voyez son visage qui change totalement, comme si pour la première fois, vous voyez son véritable visage. Un visage plus ferme, plus matriarche, justement, plus j'assume mes conséquences. Et que dit ces mots-là? C'est dommage. J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais je m'en retrouve là. Je vais sincèrement vous supplier de fermer les yeux sur ce qui vient de se passer. Non pas pour moi, non pas pour tous, mais juste si vous pouvez comprendre que ce que nous avons fait était juste une volonté de liberté. Nous étions tous enfermés ici et j'ai juste eu besoin de mettre de côté des personnes avares, avides, qui nous faisait du mal. On l'a peut-être pas fait de la meilleure des façons, mais on en avait besoin. Mon frère et son amant ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre ailleurs, et moi, c'est de reprendre cette maison pour en faire quelque chose de noble, pas quelque chose d'avide de pouvoir, pas quelque chose juste de noble et d'utile à la société. Je m'excuse grandement du temps que je vous ai fait perdre avec tous ces mensonges pour tout ça, mais si vous êtes clément, je saurais vous le rendre à une hauteur mille fois plus que ce que vous me ferez comme cadeau aujourd'hui. Et la vie d'Alessandro dans tout ça ? Pardon ? Et la vie d'Alessandro dans tout ça, vous comptiez le faire incriminer ? Il n'était qu'un dommage collatéral ? Il fait parmi de ceux qui fait que nous sommes enfermés ici. Comprenez que c'est un geste désespéré. Alessandro est pire que Lupo. Mais Lupo n'était pas une bonne personne non plus. Quand bien même que j'aimais mon père, c'était une personne invivable. Nous avions aucune liberté, aucune décision. Bon, je n'ai jamais vu rien que les portes qui permettraient de sortir de Venise. Je sais que c'est difficilement excusable, mais si vraiment vous êtes capable d'être bon, de comprendre ce qui nous a motivés à en arriver là, j'insiste là-dessus, je vous remercierai de tout ce que j'ai et de tout ce que j'aurai dans le futur. Si ce n'est pas le cas, je comprends, c'est le sort, nous avons échoué, enfin nous avons fait du mal, hein. Je ne vous en voudrais pas d'agir selon votre métier, mais s'il n'y a qu'une once d'empathie malgré tout envers nous, malgré ce qu'on a fait, j'en serais reconnaissante jusqu'à ma mort. Hmm. Ouais. Pour ma part, ça reste quand même une, malgré tout, une tentative de corruption, ce que vous nous demandez là. Ce sera rajouté à votre dossier. Non, mais voilà. Pas de corruption, parce que je vous promets rien. Je ne propose pas de l'argent pour sortir. Enfin, effectivement, ça y ressemble, mais c'est pas ce que je veux dégager. C'est pas juste une pirouette pour que je m'en sorte personnellement. C'est une pirouette pour que je puisse goûter à la liberté une fois dans ma vie. Au plaisir de pouvoir partir si j'en ai envie. Moi, ce n'est pas le cas, mais c'est le cas de mon frère. Et là, je la tutoie. C'est juste... Nous ne pouvons pas, malheureusement. C'est hors de question. C'est absolument hors de question. C'est contre le protocole et c'est... Et Esther, du coup, de mon côté, se met à répéter en boucle comme ça ce genre de petite phrase... Ou tu sais, t'essaies de t'auto-persuader d'un truc que t'as pas le droit de faire un truc, mais finalement, le fait de le répéter prouve qu'au fond, il y a dans ce témoignage quelque chose qui touche et que... J'essaie de faire la version un petit peu rapide aussi, vu qu'on a un petit peu dépassé le temps. Et, Oui, non, mais totalement, c'est ça. Du coup, au niveau des autres, vous sentez que même si Esther préférerait, sans doute, suivre le protocole et tous les dénoncer, Il y a un doute. Et très clairement, presque même... Enfin, vous sentez cette espèce de faiblesse où tu pourrais juste appuyer, contre-argumenter pour justement tenter de... Elle pourrait céder si le groupe cède. Moi, je renchaîne un petit peu en disant... Et là, cette fois-ci, sur le, sur le tutoiement, je dis, tu vois, Rwana, regarde-moi, on a toujours le choix. Je viens du même milieu que toi. Ma famille est aussi dans le même style que toi. Et pourtant, j'ai pas choisi cette vie-là. Alors oui, je suis devenu le vilain petit canard et aujourd'hui, je suis à la marge de ma famille, mais j'ai choisi ma vie. Donc, Elle rétorqua juste que si elle aurait tenté le quart de ce que tu avais fait, Lupo l'aurait déjà tué, jeté dans les crimes. Si j'ai bien compris, ouais. C'est... Pardon ? Si j'ai bien compris, ça, il pouvait pas sortir du tout, il y a que le majordome qui a le droit de quitter la villa. C'est ça. C'est ça. C'est du coup, ce qu'elle rétorquera, c'est que elle avait de toute façon aucun droit et que si elle aurait fait le quart de ce qu'a fait, du coup, Victor, elle aurait été. Bah, elle aurait juste été portée disparue après que son corps soit rentré en contact avec les crimes. Et je fais un discours direct parce que je vais vous demander, du coup, de. Vous pouvez parler vite, genre 3 minutes entre vous, sur les. Prendre une décision commune. Et voilà, et de prendre une décision. Présent. Est-ce que vous écouterez votre cœur ou pas? De toute façon, je rappelle que, sans vouloir influencer, mais il y a quand même le spleen d'une personne qui est très en jeu là-dedans. C'est pas pour influencer, c'est juste pour personnellement, être sûr que j'exècre ces familles-là, enfin, cette façon de vivre. Le côté un petit peu enfermé, même si bon là je joue un petit peu sur le côté métropolite, essayer d'être sérieux et tout. je comprends ce qu'elle vit, parce que je l'ai vécu aussi. Donc en soi, je serais pas intransigeant sur le fait de la dénoncer, enfin de dire que c'est eux, il faut les embarquer, c'est terminé. Alors que si je sens que les deux autres sont oh, ok, on y va, on ferme les yeux, je dirais rien. Moi, c'est un petit peu marrant parce que c'est à peu près la même idée, mais de manière beaucoup plus catégorique. C'est Esther, au début, est contre le fait de mentir, puisqu'il faut suivre les protocoles, etc. Mais comme je dis, c'est la. Fin, le fait d'y réfléchir, au-delà du fait que ces derniers temps, Esther est dans un état psychologique un peu particulier. Mais clairement en lumière que s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui est dans le groupe, en comptant du coup Hugo, qui vote pour mentir et du coup faire accuser Alessandro et laisser libre les autres, Esther suivra automatiquement ce débat dans cette direction-là. Donc c'est un petit peu une non-réponse, désolé, mais si jamais vraiment il faut en donner une, j'en ai une. Genre si vraiment il faut choisir, parce que si tout le monde dit que tout le monde attend le résultat des autres, personne va choisir. Bah, après, de ce que j'ai compris, Kornilov est plutôt catégorique dans sa réponse. Ah oui, pour moi, c'est ils prennent tous la peine qui est nécessaire à leur crime. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et il faut pas briser l'ordre établi. Et oui, il y a le spin des trois joueurs en fait dans cette décision, c'est génial. Oui, là, parce que moi, absolument... mon idéal, c'est briser l'ordre établi quand même. Donc... oui, non, toi, c'est pire, c'est que ton idéal, c'est briser l'ordre établi et ton spin, c'est perdre ta liberté. Donc, t'es fou dans le. Voilà, moi, en gros, après, c'est ma liberté, c'est pas la sienne. Voilà, mais quelque part, je comprends ce qu'elle vit. Ouais. Et du coup, en tout cas, il est 20. Je vais vous demander de prendre une décision histoire de pas vous coucher trop tard. Je suis désolé, moi, mais en tout cas, en tant que Kornilov, ouais, c'est non pour Kornilov. J'insiste parce que c'est des gens mauvais et des gens qui sont prêts à tuer leur propre famille. On peut pas les laisser en liberté juste parce qu'ils voulaient les vivre en liberté. Ouais, c'est vrai, ça. Après, ils vont vouloir tuer des gens encore plus pour avoir de la liberté encore plus riche. Du coup, on part du principe que le personnage d'Antoine, donc Hugo, est pas du tout au courant de ces histoires-là. Bah, il est dehors. Ouais, ça sera plus simple. Il est dehors. Ouais, ça sera plus simple. Sinon, ça serait trop galère. Ouais, non, il est dehors. Donc, en soi, il a pas eu vent de tout ça. C'est. Ok, ouais. Ça va être un secret entre nous trois. C'est. Moi, je suis prêt à fermer les yeux. Honnêtement, en plus, je connais Rwana. Elle a envie de fermer les yeux aussi. Hein. Je connais Rwana. Du coup, voilà. Je suis prêt à fermer les yeux. Esther, tu as Victor qui te dit bon, je suis prêt à le faire. Kornilov qui te dit non, faut pas le faire. C'est toi qui as la. Donc, Esther, tu as le choix final. Je te laisse le choix final. En vrai. Esther, tu as le choix final. En vrai, là, c'est le genre de moment où j'aurais voulu créer une douille, entre guillemets, pour en mode les faire s'enfuir et tout, en mode Sofia Benedacci, quoi. Leur faire une... Oh putain, tu fais envie de fuir tout le monde, toi. Tout le monde t'enfuit avec toi. On met en un réseau de... Esther, c'est une passeuse. C'est une passeuse, Esther. Tu as fait passer tout le monde. J'entends que d'un côté, il y a des petits appels du pied qui se font du côté du coup de Victor. Je propose de mentir sur le sujet. Je pense très certainement, mon cher Kornilov, qui recommenceront pas. Parce que justement, c'est le manque de liberté qui les a poussés à faire ce crime. Et ils ont déjà été enfermés toute leur vie, tu peux pas les enfermer tout le reste de leur vie juste après. J'appuie ton raisonnement pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est. Mais il n'y a pas à s'inquiéter de ça, ils seront sûrement pas enfermés. Il y a la peine de mort à Venise. Tout à fait. Il y a les avocats dualistes qui se tirent dessus pour savoir si tu vas être enfermé au bagne ou pas. Quoi qu'il en soit. Donc, on est à deux contrats. Je te pose une dernière question pour finir cette session. Je suis désolé d'avoir dépassé vraiment, mais je voulais terminer l'enquête aujourd'hui. J'avais un plan pour clore l'enquête bien, du coup. Je me bats. Je t'écoute, mais je demande juste si Kornilov fait un ultime truc en mode je m'en fous, je vais dénoncer sans vous ou pas, ou s'il laisse tomber, voyant que je peux. Je vais leur dire vous êtes tous les deux des sales pourris, vous respectez rien. Et croyez-moi que vous n'avez pas intérêt à continuer comme ça, parce que sinon, j'en référerai à des supérieurs, et je me casse. Okay. Je dis pas que je vais les balancer là tout de suite, mais si c'est la dernière comme fois. Ça... Oui, oui. Genre, c'est la... En voilà. Droite de l'écran, j'ai vu écrit « Kornilov s'en souviendra ». Voilà. Exactement. Voilà. Je me barre. Charlie pour conclure ce plan, et ce sera sûrement ce qui va conclure cette session. Voilà. Du coup, je voulais juste aller retirer le verre au fond du jardin, et faire ça. Et sinon, mon plan, c'était d'aller voir Alessandro et lui dire vite, ils savent qu'ils sont découverts, ils vont vous éliminer, il faut que vous fuyez vite pour qu'ils sortent par le jardin et qu'ils se fassent plaquer par Rondo, et qu'à ce moment-là, qu'on dise qu'ils sont en train de s'enfuir et qu'on l'incrimine là-dessus. C'est exactement ce qui va se passer.